Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujets, débats, jeux et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Et si j'osais vous souhaiter une bonne soirée à l'écoute d'Indestar, bienvenue et bien le bonsoir. Salut. Aujourd'hui, lundi, et avec toute l'équipe, nous sommes réunis chacun de notre côté, chacun chez soi, sauf Teddy qui est en studio. D'ailleurs, bonsoir Teddy. Bonsoir Théo. Comment vas-tu Teddy ? Oh bah écoute, j'ai fait ma petite... comment on appelle ça ? Une risque pour venir ? Ouais, alors je sais pas comment on peut appeler ça. Ah, c'est vrai que tu as bravé tous les dangers. Ah ouais. En même temps, tu as l'autorisation, puisque tu nous fais tous profiter de cette émission à la radio, et que tu es bénévole de l'association Indestar. C'est donc, ça. Voilà, à un moment donné, on a le droit. Je viens à Indestar, et puis je reste pour dormir, et je me relève à 6h, et je repars chez moi. Exactement, exactement. Et puis de toute façon, tu ne risques rien au niveau sanitaire puisque tu es tout seul dans le studio. C'est ça. Puisque par exemple, Audrey est chez soi, donc c'est-à-dire du côté de Tours. Bonsoir Audrey. Ah, la ville. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et oui, moi je suis une ville girl. Chat. Une city girl, exactement. Une panthère de canapé. Ah ok. Un chat de la ville. Oui, c'est ton chat, c'est un chat noir. Ah d'accord, ok. Jolan, comment es-tu installé ce soir ? Bah alors moi je suis installé devant mon ordinateur et puis voilà. Avec un siège gaming. Exactement. Bah ouais, un siège semi-baquet quoi, comme ça je me crois dans une voiture. Siège semi-baquet, c'est un siège de Subaru. C'est exact. Et tu es dans le championnat du monde des rallyes. Et Jolan, tu te considères en ville ou à la campagne toi ? Bah pour le coup en ville. Ah bah oui, en ville, parce totalement. Que, en Boile, ah oui. Et puis un autre qui est en ville mais qui vient de nous rejoindre, c'est Martin. Salut Martin. Salut tout le monde. Ah oh, salut. Hey. Salut. Martin en ville aussi, hein, ce soir du côté de Tours, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Disons en périphérie de Tours. Je me trouve un peu à mi-chemin entre la campagne et la ville. Tu es au carrefour de la campagne et de la ville. Déjà quand tu utilises le terme périphérie, t'es forcément de la ville, tu vois. Non, périphérie de ville, t'es moyen quoi, t'es entre les deux. Et moi je suis en ville puisque je suis proche tout commerce. Tu es en ville. Je suis proche tout commerce. Vraiment. Bah, c'est-à-dire qu'il y a une boulangerie à côté et un bar tabac. Il y a combien d'habitants dans ta ciudad ? À ton avis ? Je dirais moins de 1000. Eh ben faux, il y en a 1150. Zbla. Wow. Zbla. Oui, bon, c'est la campagne, moi, j'aurais dit 300 au minimum. Quoi 300 mais tu rigoles ou quoi ? Attends, il y a une boucherie, une boulangerie, un restaurant, un garage. Non, il y a tout ce qu'il faut. Attends. Bon, vous l'avez compris, vous l'avez un petit peu cerné, le thème de ce soir, ce seront donc la ville contre la campagne, la ville contre la campagne contre la ville. Ouais. Parce que quels sont les avantages de vivre à la campagne ou en ville, nous les verrons et puis nous jouerons aussi ensemble et puis on va faire preuve comme d'habitude de mauvaise foi hein, parce qu'on est là pour ça très clairement. Donc voilà, avec chacun nos arguments pour la ville ou pour la campagne. C'est vrai que je me trouve en minorité ce soir quelque part parce que je suis le seul là habité à la campagne réellement, même si mes chers compatriotes. On va pas se dire. Mais Jolan et Teddy sont pas en urbain. Je suis en milieu urbain, je suis entouré de villes, de bâtiments géants. Je suis dans une ville de dingue. Vous ne pouvez pas dire que je suis pas dans une ville. Aussi, donc je connais la ville. Bah oui, est-ce que c'est votre volonté de vivre en ville ? Je ne sais pas, on le verra au cours de la soirée. Quoique, allez, on pourrait faire un petit tour comme ça, juste une raison qui vous pousse à vouloir habiter à la campagne ou en ville. Audrey, t'es plutôt ville ou campagne et pourquoi ? Moi, je suis ville à 100%. J'ai grandi à la campagne et je sais ce que c'est les emmerdes pour aller rejoindre ses potes et tout. Moi, je veux... Bon, dans le temps d'avant, hein, je parle dans le temps d'avant. C'est tellement... J'ai le tram au bout de ma rue. Je prends le tram, je descends en ville, je vais en boîte, je retrouve mes potes. Enfin, c'est la vie. Je peux me permettre en boîte, en ce moment. C'est compliqué. Mais j'ai dit le temps d'avant. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il fait... Écoutez, les gars. Non, non, je pensais qu'elle parlait du temps d'avant à l'époque de la campagne où c'était compliqué. À l'époque où on pouvait faire des choses. Ouais. Je comprends, mais c'est vrai que oui, la proximité avec les commerces et avec les autochtones, c'est plutôt sympa. Les autochtones. Martin, plutôt ville ou plutôt campagne, et pourquoi ? À mon âge, je dirais plutôt ville. Ouais. Mais quand je serai vieux, j'ai envie de me la couler douce, bien dans la campagne. Oui, une petite parcelle de terrain, un petit lopin de terre, avec une petite baraque. Mon petit lopin de terre. Avec tes chèvres, sérieux mec. Mais oui. Pourquoi pas. Mon petit chavrou à moi. Ah, oh, ouais. Petit chat. Et pourquoi la ville actuellement, c'est plus pour le taf ou c'est plus pour le fait que ça bouge en ville? Ouais, c'est ça, pour l'animation, pour ouais. La vie sociale qu'on avait avant, MDR. Qu'on avait avant, pardon. Oui. Ok. Teddy, est-ce qu'on te pose vraiment la question? Ah, bah moi, alors pour le coup, j'habite en ville quand même. Ouais. Ville, en bas, je suis en plein. Semi-ville. Hein. Mais non, il n'y a pas de semi-ville. T'as une ville en entière ou t'as. Dans une cité HLM, attention. Bah ouais, clairement. Comparé à moi qui viens d'un petit village de 400 habitants. Donc, voilà. C'est la mégalopole en fait. Et encore, parce que même aller dans ce village, dans le bourg de ce village, pour moi c'était déjà grand. J'habitais dans une maison tout seul en pleine campagne, il n'y avait personne autour. Le hameau, il y avait 3 maisons. Même pas. T'allais dans le bourg, c'était déjà la ville. Il y avait une maison. Dans une ville de 15 000 habitants, c'est ouais. C'est ça, mais j'avais qu'une seule maison. Il y avait même pas d'autres voisins. Le voisin le plus proche, il était à 3 km. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Okay. Clairement. Donc moi je suis full, je suis l'opposé d'Audrey, hein. Je suis à fond campagne. Et pourquoi campagne. Du coup être venu en ville? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en ville? Ah bah j'ai pas eu trop le choix. Ouais, c'est manque de choix. Ouais, je suis trop jeune pour acheter une maison, enfin ou du moins j'ai pas le budget pour, donc bon, ouais. Bah je prends un appart en ville. Bah comme, parce que comme tous les jeunes de maintenant, j'ai envie de te dire. Hein. Ah ouais, c'est ça. On commence tous par là, puis après, bah comme l'a dit Martin, quand on est un peu plus vieux, on a peut-être plus de moyens, tu vois, on se part vers la campagne parce qu'on sait, tous inconsciemment que la campagne c'est mieux que la ville. Non. Et alors pour toi, qui dit plus de moyens, dit campagne. Enfin, c'est pas faux. Il faut avoir plus de moyens pour vivre à la campagne, ça je suis pas sûr. Hein. Bah disons déjà, pour vivre à la campagne, faut forcément quasiment acheter sa maison. Ouais, bien sûr que non. C'est... Mais bien sûr que non. Alors non, on va en parler tout à l'heure, mais oui. Enfin moi je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'en location tu as quelques baraques à louer, mais bien moins qu'en ville. Et forcément, quand t'as un budget qui ne te permet pas d'acheter quelque chose, bien sûr, l'achat est vachement moins cher à la campagne qu'en ville. Mais par contre, tout ce qui est location, t'as plus de choix, notamment des choix petit budget quand t'es en ville. Ouais, c'est clair. Donc, pour l'instant, en ville, puis dès que je peux, campagne. C'est pour ça qu'il y a plus de jeunes en ville, du coup. C'est pour ça que oui, et puis parce que ça bouge plus aussi, donc les jeunes sont attirés. Quand il y a des clubs discothèques, je rejoindrais plus Martin dans l'idée, dans fin de ma carrière et tout, j'irai vivre à la campagne, mais là pour l'instant la ville me convient très bien. Tu vois, c'est le fantasme ultime, la campagne. Oui, non, mais faut la commencer, je suis d'accord, mais dans l'idée, ce serait ça, tu vois, pour l'instant, la ville, et puis en fin de carrière, la campagne. En fin de parcours. aller à la campagne, quoi. C'est moins glauque. Oh là là, non, mais arrêtez avec la campagne, c'est pas vrai. Mais la campagne, c'est bien. Vous mentez. Mais non, on ment pas, et je vais même renchérir parce que je suis totalement d'accord. Après, la ville a ses avantages, mais honnêtement, j'aime bien être d'ailleurs, à la campagne, vivre à la campagne, et pourquoi pas avoir une ville qui est pas trop loin, comme ça tu peux y aller facilement, mais t'as pas tous les désagréments de vivre en ville. Moi, ça me convient très bien comme ça, quoi. Bon. On a fait le tour. Bon. Dans quelques minutes, Jolan, tu vas nous donner 5 bonnes raisons d'habiter en ville, mais aussi 5 bonnes raisons d'habiter à la campagne. Donc tu auras le côté vraiment positif en fait de la chose. C'est ça, je vais pas me faire tailler ce soir, tu vois. Exactement, je vais en donner pour tout le monde, ça c'est cool. Parce que moi derrière, j'aurai 10 bonnes raisons de détester la ville et 10 bonnes raisons de détester la campagne. on va faire la balance ce soir des choses positives dans cette émission et des avis beaucoup plus négatifs. Avant ça, on a Colline Sucret qui reprend Pomme avec le titre Pauline sur Indestar dans cette émission à la maison du lundi soir. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Et bienvenue tout le monde sur indestar.fr, sur toutes les applis d'écoute en direct et puis en podcast quand vous le voulez, où vous le voulez, avec une vingtaine de plateformes qui sont disponibles pour écouter Indestar. Et puis bien entendu le site internet indestar.fr, rubrique podcast. Ce soir, dans cette émission à la maison, tous réunis avec Audrey, avec Martin, avec Jolan et Teddy, nous parlons de la campagne et nous parlons aussi de la ville. Nous avons voulu confronter un petit peu ces deux mondes qui peuvent se rassembler sur certains points et puis pas du tout sur d'autres. Et Jolan avait envie de nous nous donner 5 bonnes raisons d'aller habiter en ville, suivies de 5 bonnes raisons d'aller habiter à la campagne. Comme ça, vous n'en saurez pas plus à la fin de ces arguments, puisque vous direz, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a des bonnes raisons d'aller habiter en ville, mais aussi des bonnes raisons d'aller habiter à la campagne. Après, évidemment, c'est selon ce qu'on recherche, et peut-être que ça vous aidera à faire la différence. Et ne venez pas trop à la campagne, sans quoi ça deviendra une ville. Voilà. Est-ce que j'ai bien vendu le truc? Oui, très bien. Ouais. Bon, du coup, je vais commencer par la campagne, parce que je vis en ville actuellement, donc on va commencer par la campagne. Chouette. Alors, les 5 raisons. Déjà, pour commencer, la première des raisons, c'est le calme. Ah oui! Il faut savoir que la campagne, c'est très calme. Ça dépend où on vit en campagne, mais... Généralement, ça va. T'es pas emmerdé par le bruit en campagne. Il faut se méfier quand même, parce qu'on peut tomber à côté. On peut tomber sur à côté d'un truc agricole ou ce genre de truc où ça fait un peu de bruit. Agricole, voilà. Oui, il peut y avoir plein de choses finalement qui font que ça devient bruyant. Mais si on accepte le concept de campagne, à part le chant du coq qui est franchement relou. Non. Surtout, alors moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça justement. C'est le chant du coq. Il était mal réglé, leur coq. J'avais envie de péter un câble. À 5h du matin, il est pas mal réglé, c'est un coq. C'est l'aube. Voilà, du coup, ça me faisait chier, mais d'une force. Non, moi je trouvais ça bien. Cool, il est tout mal réglé. Bon, bah, du coup, je vivrai il y a 8h, demain je le programme pour 8h. Je peux même te dire, j'ai déjà fait des coups de pute quand j'étais plus jeune parce que mon père avait des poules. Et ben, il y a un coq, quand j'étais boulanger, ben, je me levais avant lui. Oui. Donc, forcément, tu vois, je me suis déjà tapé le délire d'aller réveiller le coq. Wow, ah, excellent. Vilain. Ah bah oui, tellement. Elle est où? Alors, la fonction snooze de ça? Alors la deuxième raison pour habiter en campagne, c'est si vous avez une famille, enfin généralement si on vit en famille en campagne, et si vous avez notamment des enfants, ce qui peut être une option, c'est que ça représente un terrain de jeu pour les enfants. Ils ont la liberté d'aller dans le jardin, d'avoir le grand jardin, le terrain de De pouvoir aller se balader en forêt, en vélo et tout. Tu peux sortir, faire n'importe quoi, gueuler partout. Voilà, tu peux gueuler, tu peux te courir à poil dans les champs. Enfin, j'exagère en disant ça. Non, t'exagères pas. ça c'est très bon. Et puis tu peux aller perdre tes enfants dans les bois si t'en as marre aussi. Oui, aussi, tu peux les attacher autour d'une laisse et les abandonner dans la forêt. C'est ce qu'il faut faire. Ça leur apprend à se débrouiller tout seul. C'est génial. Après, ils reviennent, ils font Koh-Lanta, ils gagnent. Mais oui, mais voilà. Et tu ramènes de la thune à la maison, mais c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et puis pour retaper la maison le week-end, etc. Bah oui, t'as besoin de main d'œuvre, donc ils sont là pour ça. C'est ça. Du coup, la quatrième raison, c'est pas vraiment une solution. La troisième? Non, t'as pas dit troisième, non? Ah non, pardon, j'ai sauté la troisième, désolé. Oui, la troisième raison, c'est... Bon, moi, j'étais pas trop d'accord avec cette raison-là, mais j'ai quand même la citer. C'est la sécurité et la délinquance qui est moins... moins présente en campagne. Évidemment. Alors, certes, il y a des joggeuses qui se sont fait violer et découper en morceaux. Hein, voilà. Dans l'extrême. Mais sans aller dans le plus glauque, il y a des cambriolages autant en ville qu'en campagne. Hein. Oui, voilà. C'est pour ça que j'étais pas trop d'accord avec le terme de sécurité. Il y a une différence notoire quand même en campagne et en ville, parce que en ville, je sais pas, il y a toujours ce petit sentiment d'insécurité quand tu te balades en ville et tout ça. Par contre, à la campagne. Bah tu t'en fous un peu des lois quand même, hein. On va pas se leurrer, ils sont un peu, j'en ai rien à foutre, j'ai des flingues chez moi et tout, enfin des fusils. Et souvent tu fais ta propre loi. Oui, bah c'est souvent ça qui se passe. C'est un peu cliché, mais c'est totalement vrai. Je te jure que c'est totalement vrai. C'est vrai, je t'avoue que j'ai croisé des agriculteurs, désolé. Ne t'amuse jamais à aller dans une maison qui est toute seule isolée, parce qu'il a forcément une arme chez lui. Jamais faire ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que justement, la maison est isolée, donc tu veux pas aller. J'ai un exemple tout bête d'un ami qui est agriculteur et qui a justement, pareil, une maison isolée. Tu sais, t'as un grand chemin et tu sais pas si au bout du chemin c'est privé ou pas. Mm-hmm. Donc, du coup, des fois, t'as des voitures qui passent pour aller récupérer les montgolfières, je prends un exemple. Ouais, là, il a mis des bombes, il a mis des mines. Il a pas mis des bombes, mais il les a engueulées plusieurs fois. La prochaine fois, je sors le fusil, quoi. Alors, parce qu'il passe pas doucement devant chez lui, quoi. Quoi donc, Oui, bon, après, est-ce qu'on est obligé de sortir le fusil parce que les mecs. T'es un sociopathe. Non, mais c'est pas un sociopathe, mais c'est juste qu'il a des. C'est les phénomènes campagne. Donc, voilà. Oui. Non, mais après, sans faire de clichés, non, mais si on revient sur les chiffres réels, oui, il y a moins de cambriolages quand même globalement à la campagne, même s'il y en a. Attention, c'est pas pour laisser sa porte ouverte. Bah, quand tu choisis le bon moment, quand il y a personne, quand il est en vacances, c'est porte ouverte parce que c'est beaucoup moins sécurisé en termes de technologie ou tout ça. En campagne, généralement, c'est des fermes ou ce genre de trucs. Si on rentre totalement dans le cliché, mais généralement, c'est des vieilles bâties, c'est pas du tout neuf, tout récent. En même temps, il y a moins de choses dedans aussi. Le risque zéro en campagne n'existe pas non plus. Non, le risque zéro n'existe nulle part. Et pareil pour se faire racketter, etc. Enfin, dans la rue, ça peut arriver en campagne, mais globalement, il y a moins. Faudrait avoir des rues déjà. Déjà, faut avoir des rues. Clairement, non, c'est clair, dans les chemins de campagne, voilà, il y a moins de pickpockets qu'en centre-ville, ça c'est sûr. Alors, du coup, on va passer cette fois-ci à la quatrième raison de pourquoi il faut vivre en campagne, c'est la vie locale. Donc, tu as plus de proximité, avec les gens locaux du coin pour aller faire les courses ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. En ville, tu l'as, mais c'est moins présent qu'en campagne, je trouve. De produits locaux aussi, parce que les produits soi-disant locaux dans la bouche du métro, excuse-moi, mais je les achète pas. Non, je les achèterai pas, non. Sur le marché, tu payes un prix raisonnable pour des produits qui sont fabriqués dans le village d'à côté. Donc ça, c'est super chouette. Ça va directement de l'agriculteur au consommateur sans passer puis par. Je peux faire on peut faire le cliché encore une fois, mais à la campagne, généralement, ne serait-ce qu'en fruits et légumes, surtout les légumes, ils les produisent quasiment. Je dirais, il y a au moins 80% des gens qui ont des fermes ou des bâtiments en campagne isolés. Ils ont tous leur propre jardin. Tu peux te permettre effectivement de fabriquer tes propres légumes. Par exemple, mes parents habitent en campagne, ils ont leur potager et tout, leur tas de compost, et ils ont des légumes frais et tout, c'est super cool de pouvoir faire ça. Carrément. Ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais. Après, l'autre côté, tu me disais, c'est quoi? C'est la vie locale, mais c'est-à-dire? J'allais y venir justement, en fait. Bon. Ça fait partie de la dernière raison de pourquoi il faut vivre en campagne. Okay. En fait, j'y reviens au calme, c'est que pour se reposer, pour se ressourcer, ça fait du bien de retrouver la campagne, tout simplement, d'avoir une maison un peu isolée du bruit et de l'animation de la ville. Des gens. Ça revient au calme, voilà. Ça revient au calme. Et par exemple, moi, j'ai pris un petit truc qui m'est arrivé. J'ai été en maison de repos et elle était à la campagne. Oui, bah oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'une maison de repos en plein milieu d'un centre commercial, c'est vrai que c'est moins cool, c'est moins reposant. Pas très cohérent. Mais du coup, ça permet aux gens de se ressourcer, d'avoir un bol d'air frais, parce qu'il faut savoir qu'en ville aussi, il y a beaucoup de pollution. Donc, là, tu peux discuter avec les petits oiseaux et tout, quoi. Ouais. Et il faut savoir aussi, Faire des câlins aux arbres. J'ai certains chiffres. Apparemment, les gens en ville, bon, après, c'est vraiment dans les cas extrêmes, tu peux être très heureux en ville aussi. Hein. Mais il y a des gens il y a 40% des gens qui font de l'anxiété et qui ont des troubles de l'humeur en ville. Bah, forcément, ouais. Et beaucoup moins quand même. On fait moins de câlins au métro. Ou alors, on les fait une fois, tu vois, les câlins au métro, c'est tout. Ça sent qu'il a été déménagé à Paris et qu'il a le seum. Non, mais j'ai vécu deux belles années à Paris, mais je suis bien à la campagne en vrai. C'est toujours plus sympa, c'est sûr. Alors du coup, là maintenant, je vais vous citer les 5 raisons de vivre en ville. Ouais. Alors déjà, la première, je rejoins ce que disait Audrey, il y a la proximité justement. Dans le centre-ville, on est près de tout. La proximité des communs, commerces, c'est ça que tu veux dire? Des commerces ou des moyens de transport? Voilà, on est près de la proximité des commerces, des coiffeurs, des pharmacies. Moi, c'est ce que j'apprécie énormément en ville. Il aime beaucoup les pharmacies, Jolan. Il fait le tour de la petite pharmacie du quartier. Je vis souvent, certes, mais. Son rêve ultime, c'est d'habiter au-dessus d'une pharmacie, tu vois. Bon, après, à l'époque, on pouvait y aller. Il y avait les bars et les restaurants. Mais à l'époque. Ah, j'adore. Tu sais pas faire la cuisine, Jolan, c'est pour ça. Je fais quoi comme métier, Théo, de base? Je sais pas, chômeur, non? Ah non, cuisinier, pardon. Allez! Oh, c'est dans les dents! Parce qu'il y a une raison. Ouais, bon, admettons que je fais la cuisine, mais ma blague marche beaucoup moins bien. Du coup, la deuxième raison, c'est le centre d'une ville comme celui de là où je vis. Par exemple, je vis à Amboise, dans le centre Val-de-Loire. C'est l'architecture. Les monuments historiques, les châteaux. Par exemple, nous, on a des belles balades à faire de côté des bords de Loire. Donc, oui. Voilà. Ouais, mais cela dit, un château. Enfin, il y a globalement autant de châteaux en ville qu'à la campagne. Parce que quand tu vas, rien que les châteaux de la Loire, Ils sont plus en campagne qu'en ville, ouais. 15 000 habitants, mais tu vas du côté de je sais pas, d'autres châteaux comme Chenonceau, par exemple, c'est tout petit, oui. Chenonceau. Oui, c'est vrai qu'après, il y a des châteaux en campagne. Hein, ils sont plus en campagne qu'en ville, d'ailleurs, hein, clairement. Mais en ville comme Amboise et Tours, il y a des belles architectures, des belles maisons, je trouve, qui sont super jolies. Ah, c'est vrai que d'un point de vue architecture, après j'adore l'architecture aussi de la campagne, genre les petites fermettes tourangelles qu'on a par chez nous. Les gars, vous êtes hyper locaux, mais on parle d'une ville comme Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne. On va pas sentir l'architecture, elle est pas ouf. Hein. Ouais, on peut prendre l'exemple, c'est pas à côté, mais on peut prendre l'exemple du Luxembourg. Il y a des architectures magnifiques au Luxembourg. Mais c'est pas en France, on va pas se mentir qu'il y a des villes qui sont dégueulasses. Mais c'est vrai que quand on parle d'architecture, bon, à part, en fait, on parle d'endroits où c'est construit. Donc, c'est beaucoup plus construit en ville qu'à la campagne. Donc, oui, il y a des trucs dégueulasses. Et je te rejoins totalement, Audrey, sur des villes comme Saint-Étienne. Mais à côté, on a forcément aussi de l'architecture jolie. Je pense que ce que voulait dire Jolan, c'était surtout les vieilles villes. Les vieilles villes où que t'as des vieux bâtiments avec les poutres apparentes et tout ça. Entre autres, il y a ça aussi qui rentre en compte. Et par exemple, je pense au Vieux Tours où c'est super beau de se balader de temps en temps. Mais après, il y a de l'architecture moderne qui est aussi sympa. Clairement. Des grands bâtiments modernes qui sont cool aussi à voir parce que d'un point de vue architectural, c'est sympa. Mais bon, oui, encore une fois, il y a du très bon et du très mauvais. Alors du coup, je pense que tout le monde a fait le tour. Non. Bah c'est à toi de dire. Je sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ça, mais moi je continue du coup mes raisons. La troisième raison, c'est que il y a toujours des magasins pour faire les courses à la dernière minute, des magasins qui sont toujours ouverts à 19h ou même à 20h, tu peux aller faire. À 22h. C'est le confinement. Oui, maintenant tu peux pas. Mais allez saler au tri avec le confinement. Oh là là. Dans la vie d'avant, tu pouvais. Ça fait un an que je suis en PLS là chez moi. Non mais c'est vrai que en ville, enfin, on parlait du temps tout à l'heure où je vis à Paris. Tu vas, les magasins ferment à 22h et le dimanche t'as toujours un petit peu ouvert aussi. Donc voilà, t'es en rade dans ton frigo, etc. Et t'es souvent en rade dans ton frigo quand t'habites en ville, vu que t'as un frigo qui fait 50 cm. Donc tu vas chercher tout le temps de la bouffe, tu vois. Et par contre, tu peux te permettre d'aller faire tes courses à 21h30. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est cool. Enfin, tu pouvais, mais maintenant, On parle d'un la ville et de la campagne en situation normale. Mais c'est vrai qu'on peut faire une petite parenthèse confinement, couvre-feu et compagnie, hein, parce que ça dure. C'est ça. Du coup, la quatrième raison, bon, je suis pas totalement d'accord, mais c'est vrai que c'est. Il est pas d'accord avec lui-même, c'est bien. Tout de suite. C'est qu'on n'a pas besoin de voiture. Pour ceux qui travaillent, bien évidemment, dans le centre-ville, il y a les transports en commun, métro et j'en passe. C'est pas que t'as pas besoin de voiture, c'est que t'as moins besoin de ta voiture que la plupart. D'utiliser la voiture. Pas besoin du tout quand t'es dans le centre-ville. Il y a plein de potes qui ont pas de permis. Ouais, mais il y en a plein, mais pas tous. C'est pour ça que je disais. Peux te passer d'une voiture quand t'es en ville. Effectivement, t'as les transports en commun. De faire énormément d'économies pour eux. Je mets un bémol. Te passer de voiture, pour moi, oui, totalement. Non, pas te passer de voiture, mais je veux dire te passer de. Enfin, moi, je pense qu'on peut se passer de voiture quand on habite en ville. Des fois, c'est même préférable quand on est tout seul, par exemple. Alors, quand on a une famille, c'est plus compliqué. Mais quand on est tout seul, dans une grande ville où on a les bus, les métros et tout ce qu'on veut, on peut totalement se passer de voiture. Après, de là à dire que ça fait des grandes économies, là, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que les transports en commun, tu les payes aussi. Qu'assurer ta voiture, ça coûte plus cher à entretenir une voiture et à l'assurer, ça coûte plus cher qu'un Pass Navigo, par exemple. C'est clair. C'est ouais, ça dépend de la voiture que tu as. Non, mais. Théo, l'essence, l'assurance, l'entretien, le stockage, parce que quand t'es en ville, il faut que tu la stockes. Vachement plus cher qu'un Pass Navigo. Oui, quand tu prends l'exemple en ville, mais si t'as ta voiture que t'as depuis longtemps à la campagne, qui est une vieille merguez qui passe juste le contrôle technique et puis c'est bon, Il parlait de la ville. On parlait de la ville. Oui, mais on parle de la ville. On parle de la ville. Ouais, non, mais c'était pour. Parce qu'en campagne, la voiture, c'est un indispensable. Tu peux t'en passer, mais par exemple, je vais prendre mon exemple à moi. Je vivais à Tours, dans le centre-ville, et je travaillais à Saint-Pierre-des-Corps. Donc, je pouvais prendre le bus, mais j'y allais en voiture. Tu vois. Une ville annexe de la. Voilà, c'est comme Tours est très étendu, en fait. Du coup, je vais prendre la voiture pour y aller. Moi, ce qui est plus simple. Du coup, la cinquième raison, on va y arriver à la fin. Il y a toujours quelque chose à faire le week-end. Il y a toujours des activités. On pouvait faire quelque chose le week-end. Oui. Alors, il y avait les bars et restaurants, cinéma d'ouvert. Bah, il y avait toujours un truc à faire. Aller sortir, voir des potes, se promener. Tout le temps des activités, des concerts. Bah, forcément, qui dit concentration de personnes au même endroit dit forcément beaucoup plus d'activités à faire, et notamment le week-end. Ouais, je te rejoins totalement. Ouais, c'est effectivement, t'habites en ville, t'es à deux pas de chez tes potes, t'es à deux pas des commerces, même si le dimanche c'est toujours un peu mort, sauf en hyper grande ville. Mais c'est vrai que dans les villes moyennes, le dimanche c'est toujours un peu compliqué malgré tout. Mais il y a plus quand même de choses à faire, c'est évident. Il y a plus de choses à faire. Et moi, par exemple, qui ai vécu une partie de mon adolescence à la campagne, ce qui était compliqué, c'est que si tu n'avais pas de permis, tu ne pouvais pas bouger, quoi, parce qu'il n'y avait pas de bus qui passait. Et c'était vraiment... Il y a l'emmob. Bah ouais, voilà. Je me baladais pendant deux ans, j'avais la mob. Et du coup. Puis après, je me suis dit, j'ai peut-être passé le permis parce que pour rouler en mob pendant deux ans, c'est chiant. Pour les pauvres, le vélo. Voilà, c'est ça. Pour les riches, la Peugeot 103. Et voilà, du coup, mais c'est une raison de vivre à la campagne et à la ville. Moi, je trouve que pour les jeunes, la ville est très bien. Après, en campagne, quand t'es jeune, tu te fais un peu chier. Enfin, moi, c'est le ressenti. Oui, bah, disons que ça dépend quel est ton train de vie. Ça dépend si tu as une activité professionnelle à côté. Ça dépend si t'as une voiture. Ça dépend de toutes ces choses-là. Quand tu es vraiment jeune, adolescent, ça dépend aussi la proximité que tu peux avoir avec tes amis. Parce que, même si tu vis à la campagne, mais que t'es 5-6 jeunes dans le coin et que t'arrives à te retrouver et à faire des courses dans les champs et voilà, et d'aller au bar du coin jouer au flipper le samedi après-midi. Bonjour, voilà. Théo vit dans les années 50. Mais voilà, tu peux t'éclater aussi. Ouais, pour conclure, j'ai passé une belle adolescence à la campagne, je le cache pas, c'était vraiment super chouette, mais j'ai toujours eu une préférence pour la ville quand même. Sale traître. Ça fait toujours du bien quand je vais revoir mes parents qui habitent à la campagne, d'aller les revoir, mais la ville, c'est quand même cool. J'avoue que c'est sympa. Chez. Voilà. Ok. Je t'aime plus. Eh ben, merci pour ton avis, Jolan. On écoute 21-2, avec Snow White sur Indestar. Et puis, bien pour l'instant, je vous donne 10 bonnes raisons de détester la ville et 10 bonnes raisons de détester la campagne aussi, comme si j'étais un habitant. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Quoi, vous n'étiez pas là au début de l'émission? Ah bah bienvenue alors sur Indestar, lundi soir aujourd'hui, 21h et des brouettes, et en parlant de brouettes, on va parler de la campagne ce soir, avec 10 bonnes, 10 mauvaises raisons, non mais je vais bien traduire comme ça, 10 raisons de ne pas vivre à la campagne, et 10 bonnes raisons de ne pas vivre à la ville, puisque c'est le sujet de ce soir. On confronte d'un côté, on confronte la campagne et la ville, hein, tout simplement, les modes de vie différents. Exactement. Peut-être habitez-vous en ville, peut-être adorez-vous ça, ou peut-être vous supportez plus l'atmosphère de la ville, vous voulez vivre à la campagne, mais en même temps il y a des animaux, ça pue, etc. Ça pue partout finalement. Ça sent bon à la campagne, hein. Y a qu'en ville que ça pue. Notre animateur qui parle aux animaux n'est pas content. De toute façon, sur Indestar, c'est de recevoir deux personnes qui sont un petit peu mécontentes en ce moment d'où ils vivent. Donc nous avons Jean-François qui habite en ville, et puis nous avons Bébert qui habite à la campagne. Et bon, chacun, ils sont un petit peu colères, ils sont un petit peu déçus de leur mode de vie. Donc ils vont nous donner leur point de vue sur les deux, ce qui vous confortera dans le choix que ni l'un ni l'autre sont des bons lieux pour habiter. Ouais, et on va commencer. Je crois que Jean-François a envie de parler. Donc Jean-François, c'est quelqu'un qui vient de la ville, il était parisien, et il l'est toujours, jusqu'à preuve du contraire, parce que parisien dans l'âme, voilà. Et donc, Jean-François, est-ce que tu es là? JF pour les intimes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je te déteste déjà. Bonsoir. Jean-François, tu vas bien? Oh bah écoutez, ça va pas mal, ça me fait plaisir d'appeler une petite radio de province comme ça pour parler de mon ressenti en tant que parisien, en tant qu'habitant de la ville, hein, tout simplement. Tu sais où est-ce qu'elle se situe la radio? Alors là-bas, c'est quelque part en dessous du périph' sud, hein, je crois. Ah ouais, d'accord. Et alors, vous aviez des revendications? Tout à fait, parce que c'est vrai que la ville me sied plutôt bien, mais j'ai quelques... Vous êtes dans quel arrondissement déjà? 8e arrondissement de Paris, voilà, depuis mon plus jeune âge. Je grandis dans un milieu plutôt aisé finalement, mais les derniers mois m'ont fait perdre mon travail et aujourd'hui, c'est le premier reproche que je pourrais faire à la ville, hein, c'est que je ne peux plus me permettre, c'est-à-dire que à plus de 11 000 euros le prix moyen du mètre carré à Paris, ça va plus du tout. Je vais au ciné, je paye 11 balles, enfin il n'y a plus de ciné, vous allez me dire. J'achète un sandwich jambon beurre, ça me coûte 7 balles, je me gare, je suis obligé de payer le parc-mètre. Vous voulez me ruiner, j'ai l'impression, dans cette vie citadine, et je ne supporte plus ça. Une autre chose que je ne supporte plus, c'est qu'il y a trop de monde à la ville, il y a trop de monde dans les transports. Le RER, vous connaissez le RER, mon cher Teddy? Attends, réseau électrique raisonnable. Alors, c'est pas électrique du tout. Si. Hein, ça doit être ça. Le RER, c'est le métro. Non, c'est pas le métro, les transports intercités. Ah bah c'est un train quoi. Qui nous mène de Paris à la banlieue, c'est franchement la pire invention de l'humanité ce truc. Bah, de toute façon vous sortez jamais du 8e arrondissement alors. Alors il m'arrive effectivement d'aller quand même en banlieue voir mon copain Jean-Bernard. J'ai un ami qui habite en banlieue et c'est pas bon. Et à chaque fois que je prends le RER, les gens se suicident sur les voies, ça arrête le train, ça retarde tout le monde, je suis en retard à mon rendez-vous, je me trouve entassé dans le suivant qui a une heure de retard, mais bah, la galère. En vrai, il n'y a aucune crédibilité, un gars du 8e, il prend un Uber. Il a dit qu'il avait une voiture. Ne peut plus me permettre, hein, figurez-vous. Et puis je peux pas y aller en voiture non plus parce que je passe ma vie dans les embouteillages. Et puis d'ailleurs, je peux plus rentrer à Paris avec ma 4L. Alors moi, ça me frustre un petit peu. Alors, voilà. Il est 18e, il a une 4L. Bah, dis donc, il est pas si riche que ça. Effectivement, c'est hype la 4L. Paris, c'est hype et on peut plus rentrer en ville. Bon, après, on nous dit que c'est pour la pollution, mais si on voit le nombre de une source de pollution qu'on a dans les villes, c'est devenu pas possible. C'est-à-dire que quand je me mouche, c'est noir. En fait, c'est moi le filtre à particules, si vous voulez, dans l'histoire. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois toujours qu'il y a du brouillard, hein, mais en fait, c'est la pollution qui fait ça. Et à chaque fois que je fais du sport dans les rues, je réduis mon espérance de vie plus qu'en fumant une cigarette. Vous allez me dire, heureusement, je fais plus de sport, parce que ça, j'ai résolu le problème. Voilà, bon, ça, c'était mon petit coup de gueule contre la pollution, mais je pourrais dire, et vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, mon cher Jolan, de la dangerosité de la ville. Hein. C'est-à-dire qu'en ville, je me suis fait voler mon iPhone l'année dernière. Les pickpockets pour les rues. Il y a du cambriolage. J'ai 12 alarmes chez moi pour être tranquille. Il y a des accidents de la route. Il y a des accidents à cause des trottinettes. Ou des apprentis cyclistes qui montent sur leur vélo pour la première fois depuis 30 ans. Vous vous souvenez du début des Vélib sur Paris? C'était impressionnant. Les gens découvraient le vélo entre les voitures et les autocars. Mais du coup, JF, vous devez être emmerdé alors par les vélos, mais aussi même par les trottinettes si on pousse le truc plus loin. Alors effectivement, j'ai exprimé mon mécontentement sur les trottinettes, mais je peux le rappeler, les trottinettes, c'est vraiment le cancer de l'an 2020, hein, si je puis me permettre. Oh, le Covid est pas mal non plus. Hein. C'est pas faux. Et puis franchement, la surface qu'on nous attribue dans les villes, c'est n'importe quoi. Télétravailler à 4 dans 30 mètres carrés en période de confinement, c'est vraiment pas la joie. Et puis vivre dans un 10 mètres carrés pour 500 euros par mois, c'est pas une vie de rêve non plus. Hein. Vous n'habitez pas dans 10 mètres carrés aux dernières nouvelles? Je suis sur 12 mètres carrés, mais c'est parce que j'ai pu me permettre après un crédit sur 50 ans. et puis, Paris, ça pue aussi. Voilà, les villes, ça pue. J'en ai un petit peu marre de respirer les selles de mon voisin quand je suis dans le bus. J'en ai marre de l'odeur des égouts et des pots d'échappement, si vous voulez. Moi, je respire l'eau de Cologne. Hein. Ça me bouffe, tout ça. Et puis, il faut dire qu'en bas de chez moi, ils ont transformé mon bar préféré en salle de sport. Hein. Donc ça, c'est un de mes bars qu'ils ont transformé en salle de sport. Et puis l'autre, ils l'ont transformé en magasin conceptuel. Dont, d'ailleurs, j'ai pas encore cerné le concept, hein, vous voyez. Et pourtant, il était rudement bien, le bar de chez Mimi, à l'époque. Mais bon, que voulez-vous, tout change et le monde qui va avec. Ah, et puis franchement pour terminer, parce que je veux même pas m'étendre non plus, mais la vie sociale, trop de vie sociale, j'en peux plus. Moi, j'ai des voisins. Vous voyez trop de gens, il y a trop de problèmes. Oui, voilà, les voisins, le bruit. Ils font des teufs, c'est ça ? Des familles qui braillent dans l'immeuble, des travaux marteau-piqueurs qui font résonner la façade d'en face, le marché du vendredi sous mes fenêtres. Ah, vous avez des marchés en ville ? Des bouchons aussi. Ah, mais oui, mais évidemment qu'il y a des marchés où ils vendent des produits tout fades, là, des produits, vous savez, les produits standardisés, où ils disent des vêtements. Ça vient de la campagne, ça vient de la province. Des vêtements, oui, des vêtements, des vêtements, des jeans à 150 euros, vous appelez ça des vêtements. ouais. Ah là là. Mes vêtements, oui. D'accord. Et puis quand j'achète mes vêtements au marché, je dois remonter après mes 5 étages sans ascenseur, comme mes courses d'ailleurs, hein, et après avoir trouvé une place de parking à 1 km, c'est pour utiliser une expression de jeune, c'est super relou. Voilà. Et puis. Et donc, est-ce que vous envisagez. Je reviens sur la nourriture qu'il peut y avoir en vente au marché. Moi, jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai cru qu'un poisson c'était rectangulaire et déjà pané. voilà, je ne sais pas la différence entre un moineau et un corbeau, donc voyez. Ça reste des pigeons, on est d'accord, hein. Oui, évidemment, c'est des petits pigeons en fait, les moineaux. J'ai appris ça. Voilà. Voilà. Est-ce que vous envisagez de venir à la campagne pour le coup ? Ah non, parce que moi la campagne, si vous voulez, c'est un concept que j'ai du mal à imaginer. Ah bah, hein. Parce qu'on voulait que vous restiez là-bas. Rester à Paris, c'est très bien. Oui, merci beaucoup, mon cher. Mais je continuerai d'écouter votre petite radio promo, ça me plaît bien. Et ben, si vous voulez la réécouter, sachez qu'elle est disponible en podcast sur tous les sites de podcast que vous voulez, Deezer, Spotify, ainsi de suite. D'accord. Je connais bien tout. Je suis abonné, j'ai l'abonnement complet. Vous pouvez retrouver vos podcasts de chaque émission. Eh ben merci bien, mon cher. Au revoir, Jean-François. J'allais dire Jean-François Copé, mais non, c'est pas lui. non, bon, ben Jean-François, il était sympa, mais. Au revoir. Salut, Jean-François. Pourquoi c'est un cas, celui-là, quand même. Hein. Bah bon. Il avait des choses à dire sur la ville. Ouais, mais même sa façon de parler, on sent le parisien en lui, là, tu vois. Ah, j'aime pas ça. Je suis sûr, il y a des parigots qui vont nous appeler dans pas longtemps, tu sais. Ouais. Là, on va accueillir un copain. Ouais. Un copain qui vient de chez nous, il vient de la campagne, il vient d'un petit village qui s'appelle Les Ermites. Genre, il y a 190 habitants. Franchement, il s'appelle Bernard, je crois, c'est ça ? Bernard, est-ce que t'es salut, là ? C'est Bébert. Ah, salut, Bébert. Ça va bien, Bébert ? On est là à la radio, je fais une dédicace à tous ceux qui m'écoutent. Là, ce soir, il y a tout le village qui est au taquet, au PMU, et qui nous écoute, là. Vous êtes là, les gens ? Ouais ! Le PMU est ouvert ? Il y a un PMU dans ton village ? Évidemment qu'il y a un PMU, mon gars. Et attends, c'est peut-être un village, mais nous, on est tous ensemble, hein, ce soir. Ah bah. C'est ça, l'esprit d'équipe, c'est la famille. Ça, c'est cool. Alors, mon petit Bébert, toi, t'habites bien en campagne, hein, du coup, parce que t'as moins de 200 habitants dans ton village. De quoi tu veux nous parler T'as des inconvénients quand même. T'as des inconvénients à habiter en campagne. Ouais, il y a des inconvénients parce que c'est vrai que mon seul ami c'est mon chien, quoi. Bon, en plus il vient de mourir parce que. Il est au PMU du coup. Jésus. Non, mais c'est Gégé qui lui a tiré dessus à la chasse dimanche dernier. Hein, il l'a confondu avec un lapin. Bon, du coup, vous avez mangé du chien au dieu du cerf. Ah bah disons que bah oui forcément on a enlevé le plomb qu'il y avait à l'intérieur quand même parce qu'on n'est pas des bêtes hein, mais bon on a profité c'est normal. Ah oui, pas de gâchis. Et puis en même temps on peut pas lui en vouloir à GG parce qu'il a sûrement besoin de lunettes mais pour prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo c'est 8 mois d'attente et puis le petit chien il est à 45 km et d'ailleurs c'est pareil pour le supermarché donc évidemment c'est compliqué hein. Ouais, tout ce qui est soins effectivement c'est chaud en campagne hein. On soigne à l'enseigne tu saignes on mange au restaurant. Oui, pardon, il dit quoi ? Tu saignes, on ampute, on coupe, hein. Ah bah évidemment qu'on ampute, ça se pose pas comme question, chat. Bah, voilà. Et puis, de toute façon, on est obligé d'aller faire les courses, parce qu'à un moment donné, on veut manger au resto. Mais le resto, il y a Roudier, là, dans le village, mais bon, il est tout seul, quoi. Et puis, le plat du jour, c'est saucisse purée, donc tu t'aimes pas le saucisse purée, on va pas croire qu'il va non plus, hein. C'est le menu ouvrier, ça. Ah bah, de toute façon, c'est le menu unique, hein. C'est comme ça, je fais... Ah merde, voilà. Ah c'est pas de bol. Ouais. Effectivement ça c'est pas cool. Ce qu'il faut dire aussi c'est qu'à la campagne faut une voiture. Parce que si t'as pas de voiture c'est simple, tu crèves hein. Voilà. Ou alors t'aimes bien la marche à pied. Tu fais 60 km par jour, Ouais. Tu prends le trafic en plus grand-père, mais bon, j'avoue, pour pécho, c'est pas top. Hein. Quand t'étais jeune, quand t'allais à l'école, je parie que t'étais loin de l'école. Ah bah j'ai pas été à l'école moi, j'étais à l'école jusqu'au certificat d'études, moi je me suis arrivé après. Bon. Ah oui. Effectivement, ouais, c'est chaud. Maintenant t'as la voiture. J'ai téléchargé l'application Tinder là. Tu sais? T'as téléchargé Tinder? Ah oui. Oh c'est cool. Il faut bien se mettre à la page. Alors ça pécho? J'ai rencontré la seule fille de ma région hein. Moi c'était ma sœur. C'est un peu compliqué. Voilà. Le mariage s'est bien passé? Bah non, on l'a pas fait, attends, on est pas comme ça, nous. Ouais. Ah bah ça dépend. Moi, je suis quelqu'un de la campagne du Sud, hein, pour la campagne du Nord, moi. Ouais, moi. Et quand je suis arrivé dans le village, moi, il y a quelques années, j'ai voulu louer la baraque, tu sais. Ouais, bah ouais. Tu vois dans les films, là, tu vois les belles baraques, etc. Ouais. Bah, sauf que il n'y avait qu'une à louer. Ouais. Il y avait quelques travaux à faire, hein, fallait refaire le toit, les murs. Plafond, ouais, fallait la construire quoi, quasiment. Puis fallait virer les animaux qui squattent à l'intérieur aussi. Bon, ouais. Bref, ça l'a fait, hein, mais il y avait pas une main de choix quoi. Hein. Bah, voilà. faut faire les travaux avec le kangou, ça passe. Hein. Oh, bah, on n'a pas le kangou, on a encore les staffettes nous. Ah bon. On va voir si on peut acheter un express bientôt, mais on est encore sur les staffettes. Et puis bon, la seule maison que j'ai trouvée quand j'ai emménagé, bon ça allait, c'était plutôt calme, c'était pas pollué. Ouais. Ça c'était avant qu'on construise la centrale nucléaire là il y a 2 ans. Voilà, c'est bon drôle. Hein. Il y a ça, tiens, c'est sympa ça. C'est joli. Il y a des grosses cheminées. Hein, ouais. Quand on sait pas quoi faire, on regarde la fumée des cheminées. Ça c'est sympa. Hein. Puis en parlant de pollution, tiens, olfactive, j'utilise un mot de la ville là. Olfactive, il est sympa Bernard, hein, mais après quand il revient au café et qu'il a semé du purin dans les champs toute la journée, je peux dire que qu'est-ce qui pue hein, quand il arrive au bar. Hein. Et pour nos amis de la ville, le purin c'est quoi? Ah, le purin c'est pour que ça pousse, tu vois, parce que dans la ville il pousse plus rien maintenant. Oui. Ça pousse que des immeubles. Mais c'est des excréments d'animaux, le purin, grosso modo. Exactement, c'est pour ça que, bon, bah, évidemment, au niveau de l'odeur, on n'est pas, on n'est pas sûr du parfum non plus. Hein. C'est pas senteur rose, quoi, mais bon, ça passe. Ça dure 2-3 jours et c'est réglé, quoi. Le problème, c'est qu'on se retrouve tous au bar, parce que, bah, évidemment, le bar, alors j'aimerais bien avoir une salle de sport, j'aimerais bien avoir un ciné, un théâtre, un musée, mais pas dans les projets, donc, bah, voilà, on boit pour oublier, ce qui est normal, quoi. Ouais. Ah bah au moins il y a le bar. Ça c'est très important le bar. Si ce soir on va faire la fête avec les copains là. Il y a Hervé qui va faire 32 km. Il y a Evelyne qui en fait 28. Et puis on attend Titi là qui fait 58 km en meuble. Ah mais attendez, vous allez boire de l'alcool avant? Ah bah évidemment on boit de l'alcool pour oublier, je crois. C'est pas très sérieux tout ça hein. Ah bon, on dort sur place, de toute façon couvre-feu, attention. Ah bah oui c'est vrai. Boire ou conduire, on s'adapte. Exactement, de toute façon, il fait pas beau. Puis de toute façon, il fait souvent moche. Hein. Forcément, quand il fait moche, bah, t'as encore moins de choses à faire. Donc, c'est comme ça, on se réfugie dans le télétravail. Comme ça, on se sent encore plus seul. C'est génial. Parce que tu travailles, Bébert? Tu travailles dans quoi? Bah, évidemment que je travaille. Moi, je suis dans l'agroalimentaire. Ah oui. Et tu peux télétravailler? Ah bah, le patron, il dit télétravailler. Mais après, on plus télé qu'on travaille. Hein. Ah bah c'est bien. C'est très bien de faire ça comme ça. Moi je suis pour. Mais bébé, est-ce que t'as d'autres problèmes à la campagne? Non, bah disons que après nous on aime bien la vie, tu vois, on aime bien les animaux. Ouais. Bah sortir, on aime bien aller à la chasse le week-end. Ouais. On se fait plaisir quoi. Un ou deux cyclistes. Ah ouais, les cyclistes on leur tire dessus en principe. Ah bah, de toute manière, il y a une chance sur deux que ça soit un gars de la ville. Alors, Et puis bon, on les confond assez facilement avec les animaux, les cyclistes. Bah oui, c'est vrai, ils sont à peu près la même couleur, clairement. Hein. On va pas se leurrer. Quand ils sont, quand ils sont maillot jaune. Et quand ils sont maillot jaune, on leur tire dessus parce qu'on pense que c'est les Parisiens qui sont en rade sur le bord de la route. Ah, comme je vous comprends. Je vous admire. Bon, bah je vais me rendre, moi, parce que mon forfait téléphonique, il vient à expiration. Ah! Bah merci à toi Bébert d'être passé. Ouais, merci d'être passé Bébert. Hein, ouais. N'hésite pas à nous recontacter si t'as envie de revenir. On t'accueillera à bras ouverts. Va falloir vous diffuser en FM parce que nous on n'a pas l'internet encore. Ah bah alors ça on va en parler au patron, on va en parler à la prod et on va voir si on peut la mettre dans les voitures. C'est rudement ça pour ça. Voilà. Allez. Bisous Bébert. À bientôt. Bisous. À bientôt les amis. À la prochaine. Bonne nuitée. Salut. Ouais, bien de nuit. Oh mon dieu. Ah, ce Bébert. Ah, la campagne, c'est la nuit. Ah, je l'aime bien, Bébert. On le sent qu'il est. Bah, on le sent qu'il est porté sur l'alcool déjà. Clairement. Mais bon, on sent que c'est un bon vivant. Hein. Ouais. Ah oui. Ben voilà, mais ils nous ont donné quelques inconvénients de la ville et de la campagne, quoi, finalement, dans leur discours. C'est authentique, quoi. C'est vraiment. Ah bah, c'était purement authentique, là. Ça sort du cœur. On va écouter Paolo Monti sur Indestar dans cette émission à la maison. On a Let's Love It's a Battlefield. Et après, on a Martin. Et Martin, il va nous parler de l'enseignement à la campagne. C'est-à-dire que ce qu'on peut découvrir à la campagne, les fleurs, les animaux, les oiseaux, tout ça, c'est ça, Martin? C'est exactement ça. Les 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et on est bien à la maison, tranquillement assis sur son canapé, dans son lit. Ou peut-être que vous écoutez cette émission en replay, alors peut-être que vous êtes dans la voiture ou toute autre activité, notamment salariale, pourquoi pas, en télétravail, en écoutant le replay de cette émission à la maison d'Indestar en ce lundi soir. On parle de la ville, on parle de la campagne ce soir, on oppose les deux. Et avec Martin, tu vas nous parler plus spécifiquement de l'enseignement que peut nous apporter la campagne qui est la nature, la campagne qui est la source, qui est la vie. Calme-toi, Théo. M'emballe peut-être un petit peu. Non, c'est ça, t'as un peu tout compris. Moi, j'ai grandi, je dirais, relativement à la campagne, parce que j'habite dans un petit village, non pas gaulois, mais en bordure de Tours, en Touraine. Mais en soi, je suis à 15-20 minutes de la ville, donc ça, ça rejoint mon schéma un peu idéal que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire de vivre à la campagne, avoir la tranquillité de la campagne tout en étant proche de la ville pour bénéficier des services de la ville. C'est exactement ça, mais j'ai quand même grandi entouré de vignes et de champs, quoi. Mm-hmm. Et en y réfléchissant, bah, je suis assez content d'avoir grandi en campagne, parce que bah, oui, ça t'apprend des notions que la ville offre pas forcément. Comme par exemple le rapport à la nature, tu le disais. T'es petit, tu peux aller jouer dans les bois ou construire des cabanes, des arcs, des radeaux. Oui. Il n'y a pas besoin d'être petit pour faire ça. Hein. D'ailleurs, le radeau d'Indestar est toujours prêt à faire une petite viande. Alors, après, je suis pas sûr. Hein. Il y a peut-être besoin de réparation entre temps. Ou des bidons à remettre. Ouais. Mais je suis d'accord avec ce que disait ça, Martin. Par rapport aux oiseaux, par exemple. Il y a beaucoup de gens de la campagne, ils s'y connaissent en oiseaux un minimum. Ils savent reconnaître quel oiseau, quel ça. Alors qu'en ville. Alors qu'en ville, clairement, il y a des gens, ils savent même pas reconnaître un pigeon d'un autre chose, d'une colombe ou d'un truc. Non, mais clairement, vraiment. C'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-François d'ailleurs. J'allais dire, on fait une dédicace à JF. Ben oui, et puis c'est comme les arbres, tu peux apprendre à reconnaître les bouleaux, les noyers, les châtaigniers, les chênes, etc. Ah bah les bouleaux, t'apprends à les reconnaître parce que tu... à défaut d'en avoir. Oh non. Alors qu'en ville, t'apprends le platane et puis bah c'est bon, tu peux refermer ton herbier, t'as fait le tour, quoi. C'est pas faux. Ouais. Et puis le potager aussi, bien sûr. Tu le peux faire potager. Ton petit potager et comprendre comment ça pousse, c'est beau tout ça. Savoir quand est-ce que ça se récolte, prendre soin de ses plantations. On a un peu la main verte. On a un peu la main verte quand on est en campagne. Hein. Ouais. Clairement. Bah oui. Alors qu'en ville, il y a des gens, ils pensent que le lait chocolaté, ça vient des vaches marrons, quoi. Ah non, parce que ça ne vient pas des vaches marrons. Enfin, des vaches violettes, normalement. Non, ça, c'est le chocolat qui vient des vaches violettes. Non, le chocolat, marron, il vient des limousines. Le chocolat dans le papier d'alu. Voilà. Mais bien sûr. Et oui, exactement. Et ça, à la campagne, tu sais vraiment comment ça se passe. Ouais. Mais ça enseigne aussi la patience. Bah oui, revenons au potager, quand t'attends que tes petites pommes de terre poussent pour pouvoir enfin les découvrir en les déterrant plusieurs mois plus tard. Tu leur parles aux pommes de terre. Tous les jours. Petite pomme de terre. Vous allez bien, mes bébés pommes de terre. Non, je vais faire de toi une vraie belle pomme de terre. Ça t'apprend la patience quand c'est toi qui dois aller les récolter, les patates ou écuter les haricots et les mettre en bocaux. Ah, ça, écuter les haricots, c'est super drôle. Oui. Ah, c'est chiant. Non, c'est pas chiant. C'est la vie. Teddy, franchement, quand tu passes toutes tes vacances scolaires à écuter les haricots, à les mettre en conserve, les petits pois, les carottes, ce que tu veux, je peux te dire que c'est long et que c'est chiant. C'est la vie. Dédicace à la grand-mère. C'est la vie. Dédicace à momie. Ouais, si tu m'écoutes, merci. Je l'ai fait. Merci pour mes super vacances scolaires. Alors, je faisais ce genre de truc avec mes tantes, genre faire la confiture aussi, faire. ce genre de truc. Non, est-ce que tu l'as fait pendant 2 mois non-stop? Bah non, parce que ça bouge pas pendant 2 mois. À te faire réveiller à 8... Bah si, quand t'es à l'école, t'es en vacances, t'es dit. À te faire réveiller à 8h pour aller au travail à 8h30, pour avoir la pause déj entre midi et 1h, avoir une petite demi-heure de repos et repartir jusqu'à 18h pour aller... Là, tu parlais d'un travail. Tu parles d'un travail. Moi, non, je faisais je ça pas pour un travail. Mais vacances scolaires, c'est pas la même chose. Bah, t'as dit repartir au travail. Oui, bah, mais au travail, ça, parce que c'est du travail, tu bosses, quoi, quand c'est comme ça. Non, mais au moins, ça t'apprend à ne pas être fainéante, Audrey. Ah, bah, ça, je peux te dire. Tu produis ta propre nourriture. Ça t'apprend la... Ah, mais c'est ça. T'apprends la vraie vie, oui, c'est ça. La vie, la vraie, la campagne. Alors, c'est pas pour autant que je sais faire pousser des haricots ou que c'est pas... Eh ben, c'est bien, Greta. La patience, ça, certains. Ils ont raté une part de ton aiguille. Ça doit être ça, ça doit être ça. Et puis ce qui t'enseigne la patience aussi, moi vraiment ça a été le bus. Ah ouais, le bus trop chiant quoi. J'aime bien, je vous vois réagir, ça fait plaisir. Ouais, mais le bus, les gens. Il te faut une organisation quoi, parce que quand tu te déplaces pas quand tu veux, tu te déplaces quand le bus passe. C'est-à-dire une fois par jour en principe. Pour aller à l'école quoi. Pour aller à l'école et pour en revenir, ouais. Mais même quand tu vas plus à l'école, c'est une fois par jour. Hein. Mais oui, et quand tu pars en road trip vers la ville, bah t'as intérêt à organiser ta journée parce que il repasse que dans 6 heures. Donc tu vas pas... Et si tu le loupes, tu dors dans la rue. C'est ça, dans la merde. Ça m'est arrivé une fois. Une fois où j'ai été à Tours en bus, et j'ai loupé le dernier bus, et j'étais à Tours tout seul, jeune. Ah putain, j'étais mal. Oh, j'étais jeune encore, je savais... Oh putain, c'était dans les premières fois que j'allais à Tours. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais dans un quartier, j'ai vu une prostituée, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais donner? Là, t'as essayé, t'as dit, ah, c'est pas si mal. Ah ouais. Est-ce que t'es rentré à pied, c'est ça la question? Non, j'ai appelé mon père, il est venu me chercher. Ah bah t'avais un téléphone, donc ça va. Bah non, j'ai utilisé une cabine téléphonique. Ah, ça existait encore à l'époque. Pour revenir sur les bus, alors je sais pas les bus que vous aviez pour aller à l'école, mais nous on avait les vieux bus Renault qui étaient à l'époque les bus de Paris, de la ville de Paris, mais dans les années 70 et 80, hein, et qui avaient été recyclés en cars scolaires, donc des cars scolaires qui avaient 1 million, 2 millions ou 3 millions de kilomètres, et qui avaient l'avantage pour moi qui suis sensible au niveau de mon oreille interne d'être très comment dire. Pas souple. Très rêche, pas souple du tout. Donc je m'asseyais en plus sur les passages de roues, histoire que ça secoue bien. Et il n'y avait pas cet effet suspension de mollasson là qui te donne la verbe. Ouais, donc ça, c'était l'avantage des bus Renault. Non, mais ça, c'est l'avantage quand tu prends qu'un seul bus, parce que quand t'en prends deux pour aller au collège ou au lycée, pas la même chose encore. Ah ouais, un seul bus, ça suffisait largement. Et quand j'étais au début, que j'allais au collège, après, ils ont fait attention quand même. Mais au départ... tu montais à autant que pouvait supporter le car en fait. Donc t'en avais qui étaient assis sur les strapontins, t'en avais qui étaient assis sur les marches, et puis vu qu'on était des petits calibres à l'époque, on nous mettait 3 par siège, donc t'étais hyper serré avec ton cartable à l'arrière, tu sais, comme un 6e quoi, avec ton cartable sur le dos, et 3 par rangée, et t'allais à l'école comme ça. C'est le bon vieux temps, ma petite dame. J'avoue que j'avais du luxe quand même. Je sais pas si Martin il a eu les mêmes cars que moi. Je pense que Martin, nous dans Région Centre, on a des bus un peu. On a le bus, le fil vert et le fil bleu. Maintenant, c'est ça vrai. S'appelle plus fil vert, ça s'appelle Rémi, je crois. Mais bon, on va prendre les fils verts. Et les fils verts, tu vois, c'était ceux qui reliaient Tours à je sais pas quoi, à très loin dans le département, voire même la région, je crois. Et ces bus-là, ils étaient beaux, ils étaient bien, franchement, ils étaient classe. Les fils bleus. C'est vrai qu'ils étaient bien mieux, mais tu partais en road trip quoi. Ah bah oui, ah bah clairement. Pour aller ne serait-ce qu'à Amboise, t'avais 45 minutes de trajet. J'habite à Autrèche. Ouais, c'était horrible. Il y a 12 km entre Amboise et Autrèche, t'as 45 minutes de route. Parce qu'il y a 45 arrêts aussi. Oui. Et encore, parce que le car il partait 2 heures avant. Donc imaginez, si vous commencez le collège à 8 heures. Tu te lèves à 5h30 quoi. Tu te lèves à 5h30 pour. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, moi pendant plusieurs années, je me levais 6h pour prendre le bus quoi. C'était chiant. Ah, moi je me levais toujours au dernier moment. Hein. Autant en fait, en principe, on prenait le même bus avec ma soeur le matin. Ouais. Mais en principe, quand j'arrivais à la table du petit déjeuner, ma soeur partait. Donc, ma soeur était largement en avance à l'arrêt du bus et moi j'arrivais 30 secondes avant le bus quoi. Ah ouais, chaud. Mais j'ai jamais loupé. Je ne l'ai jamais loupé. Ça a toujours été chaud, mais j'ai toujours pris. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de le louper pour les autres, de le louper et de le poursuivre? Parce que du coup, mon père, il attendait qu'on parte, il nous déposait pas au cas où que le bus passe pas. Il attendait toujours qu'on parte. Et oui, c'est vrai. Et du coup, bah si le bus, bah on loupe ou quoi que ce soit, il poursuivait le bus pour ça et essayait de le doubler ou de s'arrêter derrière quand il s'arrête. Pour qu'on puisse monter dans le bus. Économique, en fait, tu poursuis le bus jusqu'à l'arrivée au collège. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de couille? Moi, oui. Un petit peu. Enfin, moi, je courais pas. Après, justement, quand je voyais le bus passer, je rentrais, je disais, bah mince, j'ai pas pu aller à l'école, quoi. C'est triste. Ah ouais. Ça veut dire que t'avais un arrêt de bus assez proche de chez toi. Oui, oui, j'y descendais 5 minutes à pied, j'y étais. Parce que c'est ça le gros problème, parce que ouais, je suis peut-être le seul dans cette situation. Vu que j'habitais tout seul en pure campagne, il n'y avait pas d'arrêt de bus à côté de chez moi. Moi, il fallait que j'aille dans le bourg. Fallait que j'aille dans le bourg de mon village. Ouais. Du coup, c'était forcément mon père qui nous emmenait déjà, clairement. Bon. C'était déjà galère à l'époque. Moi, j'y allais à pied, mais c'était 5 minutes en courant en principe le matin. Parce que vu que j'étais en retard, fallait bien y aller en courant. Par contre, c'était chouette, c'est quand il y avait les jours de neige. Il y en avait plus que maintenant déjà des jours de neige. Ah ouais, ça c'était cool. Et là, c'était la bonne excuse pour pas aller en courant. Ça c'est clair. Moi, je me souviens, mais d'ailleurs, j'ai fait un petit aparté là-dessus. À l'époque, on était, ça remonte, quelques années en arrière maintenant. Pendant une semaine, j'étais resté à la maison. Parce qu'il y avait pas il y avait de la neige et il y avait pas de bus quoi. Ouais, c'est normal. Mmh. C'est normal. Du coup, c'était grave cool. On se retrouvait avec tous les copains du centre-ville, enfin du centre du village, pardon. Puis après il y avait les grèves et puis après il y avait les blocus. Et après c'était les vacances scolaires, donc c'était cool. Est-ce qu'on n'en aurait pas fini avec les bus? Je priais le soir pour qu'il neige et que le bus ne puisse pas passer. Ouais, c'est clair. Le lendemain, je me disais, ok, bah Dieu n'existe pas en fait. Alors par contre, moi je priais dans l'autre sens, c'est quand t'étais au collège et qu'il avait neigé la journée. Et là, tu voyais les bus qui arrivaient, qui patinaient et tout ça, tu dis, faites-moi rentrer à la maison. La pire idée que tu puisses passer la nuit au collège. Waouh. Wow. Ouais, non, atroce. Ma foi. Donc voilà, ouais, je vois que le bus, ça a laissé un profond souvenir. Et sinon, je trouve que ça développe la créativité beaucoup aussi. Parce que quand tu commences à sortir un petit peu avec des amis que t'as, disons, 12-14 ans, mm-hmm. et t'es content, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Et du coup, tu t'inventes des jeux, tu fabriques des trucs. Tu défonces des poubelles. Tu joues à des jeux imaginaires. Pardon. Tu fais quoi, Teddy? Tu défonces des poubelles. Non, ça a ni en ville ni à la campagne, il faut le faire, ça. Justement, je voulais savoir c'était quoi, vos petites activités de jeunes campagnards. Les conneries, bien sûr. Alors, les conneries, on en parlera tout à l'heure avec Teddy, parce que c'était son sujet. Ah, exactement. C'est avec que des conneries qu'on peut faire à la campagne et en ville. Et encore, c'est soft. C'est soft. On peut pas reproduire chez vous. Ça reste relativement soft, mais on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, les activités, vous êtes nombreux là dans l'équipe à avoir grandi à la campagne. Qu'est-ce que vous faisiez par exemple à l'adolescence, pas comme connerie, hein, mais comme activité sympa avec les potes par exemple? Audrey. Une activité légale. Légale. Une activité légale. À la campagne, comme c'est compliqué et que les parents sont pas des taxis. Moi, je passais des journées et des soirées entières chez mes amis parce que, en fait, c'était un dépose-minute. Genre, c'était l'organisation de je te dépose là, je vais là, à 17h, je te reprends et je repars, et nanani, nanana. Donc, en fait, tu passes la journée avec tes copains chez eux ou chez toi. Eux, ouais. Et voilà, genre, après, tu fais en fonction de l'activité où t'es, tu fais des promenades, tu joues avec les animaux parce qu'en général à la campagne on a beaucoup d'animaux, mmh. des chiens, j'ai beaucoup vécu avec les poules, les chiens, classique, vos vaches, cochons, oui classique sur 20. Voilà, genre ça, et puis ça dépend quel âge t'as aussi, je dis adolescent, l'époque où t'es plus où t'as envie de sortir un petit peu de la maison, mais Alors l'époque où t'as envie de sortir, tu fais tout pour trouver un mec ou une meuf et partir, ça c'est pas pareil. D'accord. Tu essaies de te maquer avec quelqu'un qui a le permis ou qui a un de tes potes qui a le permis et tu te casses. Okay. Bon, ça c'est ta vision des choses, Jolan. Oui, alors moi je t'avoue que on se retrouvait, on avait la chance d'avoir dans notre village d'avoir un city stade. Ah, City Style, attention, ça c'était l'équipement suprême, ça. Ça, voilà. Et du coup, bah, quand on avait du temps, et surtout quand il faisait beau, bah, on avait un rituel, c'était de se rendre là-bas et de faire des... Surtout quand il faisait beau ? T'es sérieux ? Alors, quand j'étais adolescent, j'allais souvent dans un village qui s'appelait Verneuil-sur-Brenne, et il y avait un City. Je dormais souvent chez un pote là-bas. Mais en fait, il fait beau, il fait pas beau, on s'en branle, on s'en branle la race, ah ouais, on y va. Ah, non, moi, j'étais un peu difficile à... quand j'étais gamin. Je l'ai toujours, toujours dit. C'est moi. Mais Teddy, il est pas sensible à la météo, il ah bah non, pas pull, clairement. Il pleut, il va faire un foot. C'est exactement. Ça. Il pleut, moi, je vais me baigner, hein. Clairement, je vais dans la piscine, c'est génial. Alors, pour en revenir à ce que tu as dit, Martin, moi, clairement, à la campagne, bah, déjà, y a, la notion d'ami n'existait pas. Parce que il y avait personne qui venait chez moi parce que bah j'étais tout seul enfin tout seul avec mes frères et sœurs. Donc on s'amuse entre frères et sœurs. La campagne profonde quoi. Ah bah oui, il y a pas mieux que ça. Clairement. Donc il y a un jeu qu'on jouait souvent, c'était plus ou moins cache-cache ou le loup. Mais dans toute la propriété partout. Ça, genre sur les toits, sur les bâtiments. Frères et sœurs. Hein ? Volontairement. T'as oublié des frères et sœurs volontairement. Tu joues au cache-cache, tu te casses. Bah, faut les trouver déjà. Faut vraiment les trouver, quoi. Il y en a qui comptent encore, là, à l'heure actuelle. Non, non, mais faut vraiment les trouver, quoi. Parce que c'est bien dur à la campagne quand t'as une grande propriété avec plusieurs bâtisses, des hangars, des ballots de paille, sous un hangar, des trucs, des tracteurs. Tu peux te cacher sur le toit du tracteur, tu peux te cacher dans les ballots de paille. T'as vraiment des cachettes de dingue à la campagne. Un cache-cache, ça m'est arrivé souvent quand on faisait des repas de famille le soir avec les cousins et cousines. Ah bah on fait un cache-cache, oh putain, oh, ça part partout, ça, t'entends des bruits, tu sais pas d'où ça vient exactement, tu cours, tu cherches, c'est un truc de dingue les cache-cache. Noir. Ah mais ouais, mais totalement, c'est un Moi, truc j'ai de dingue. Moi j'ai fait des chasses au trésor comme ça la nuit quand j'étais ado. Dans la campagne, on faisait deux équipes. On allait, en principe, j'allais ou avec un pote, on allait cacher avant les indices dans la journée. Et après, on faisait deux équipes le soir et on devait aller chercher les indices et aller trouver le trésor le plus rapidement possible. Il y avait qu'une seule des deux équipes qui gagnait. Donc j'en ai fait deux trois comme ça des chasses au trésor. Genre à minuit, tu partais et puis t'étais en plein milieu de la campagne. Trouver l'indice entre le champ jaune et le champ rouge. Quand il fait nuit noire, c'est un peu plus difficile. J'imagine. Excellent. Mais ça, tu peux le faire qu'à la campagne. Ouais, c'est ça. C'est des avantages. Non, mais très bonnes activités. Et puis encore plus tard, quand tu commences à tes 18 ans, bien sûr, pas avant, à faire des soirées, et ben, l'avantage de la campagne, c'est que t'es tranquille, quoi. Tu peux accueillir du monde dormir ou à camper même. Tu peux faire des barbecues. Tu peux mettre la sono 2 fois 510 000 watts c'est et ça ne dérange personne. Tu fais des repas à 60 personnes. Rappelez-vous, ça existait avant le confinement. Des repas en petit comité de famille. Tu faisais ça dehors, tu mettais la tonnelle, tu mettais la musique à fond. Tu t'en foutais. De tout. Tu pouvais tout faire. Et les sangliers que tu mangeais. Mais oui. Mais non. Les cochons de nez sur le barbecue. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui. Bon, bah pas les cochons de lit, les cochons de lit, tant pis pour moi. Oui. Et donc voilà, bah pour moi, enfin c'est plein de petits trucs qui ont l'air pas dingues en soi, mais je trouve qu'ils permettent de se développer. Qu'on fait ton bonheur. Qui sont pas forcément accessibles quand tu grandis en ville. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi le vélo. J'ai rencontré des gens qui venaient de Paris quand on avait genre 14 ans. Et, ils avaient encore les roulettes. Non, mais ils savaient pas du tout faire de vélo. Ouais, non, mais c'est sûr. Ils savaient que ça existait, c'était déjà pas mal. La campagne, mais on n'a pas cette possibilité, quoi. Mais Jean-François nous le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que quand les Vélib sont arrivés sur Paris, et puis il y a d'autres villes où il y a eu un concept un peu similaire, tu voyais vraiment que les gens, pour certains, ils avaient jamais touché un vélo de leur vie. Et du coup, ils faisaient des choses, c'était suicidaire, hein, en vrai. En plus, en ville, il faut faire vachement gaffe. Parce que... Ouais, de ouf. Il n'y avait pas de piste cyclable, etc. Donc ça circulait entre les voitures, entre les bus. C'était n'importe quoi. Hein. Ouais. C'est vrai que. Tout ça, je pense que ce contact avec la nature, les animaux, la connaissance de ton environnement est vachement plus important quand tu grandis à la campagne qu'en ville. C'est sûr. Par contre, à contrario, tout ce qui est accès à la culture, même si aujourd'hui on a Internet et ça facilite quand même bien les choses. Ça passe pas très bien la campagne Internet. Bah voilà, il y a toujours les problèmes de connexion. Ça devrait se résoudre petit à petit dans les années qui viennent avec la fibre, hein, mais c'est vrai que c'est pas encore, on n'est pas encore sur un pied d'égalité. Mais c'est vrai que l'accès à la culture en règle générale est quand même vachement plus facile en ville qu'à la campagne. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, en parlant de culture. Oui. Bah, et si on parlait de musique, évidemment. Ah bah pardon, je croyais qu'on allait faire la transition. C'est quoi cette transition ? Pourquoi pas ? On a First to Eleven, on va écouter la reprise des Red Hot Chili Peppers avec Californication, et après, il y a Audrey. Audrey, tu vas nous parler de la ville et de la campagne, parce que tu sais que tu viens de la ville, si, ou tu sais que tu viens de la campagne, si. Les fameux groupes Facebook. Exactement, voilà. Une petite dédicace à tuer d'Amboise aussi. Si notre ami Rudy écoute cette émission sur Indestar ce soir. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. C'est pas faux, indestar.fr, toutes les applications d'écoute en ligne, les annuaires, pour suivre cette émission à la maison du lundi soir, où on confronte ce soir la campagne avec la ville. Qui des deux va gagner ? Y aura-t-il un vainqueur, cela dit ? Parce qu'il y a du bon à prendre dans les deux. En tout cas, on sait qu'on vient de la ville en principe, ou on sait qu'on vient de la campagne, à notre parler, à nos références, à plein de choses qui font finalement ce que nous sommes. Et Audrey va nous en dire un petit peu plus, puisque c'est son sujet ce soir. À nos expressions aussi, il y a plein de choses où on détermine les lieux d'appartenance des gens à ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Et les fameux groupes Facebook, vous êtes de nanana, si nanana, oui. Qui se réfèrent à plein de choses, à plein de villes. En fait, tous les petits patelins en ont un maintenant, un groupe Facebook. C'est ça. C'est ça parce qu'on peut discerner la ville et la campagne, mais on peut discerner évidemment aussi les régions, les villes entre elles. Bah oui, on a chacun une expression, etc. Oui. Puis il y a chacun des personnages particuliers, des endroits, l'endroit où tous les amoureux se retrouvent, l'endroit où t'as attendu le bus pendant 40 ans, l'endroit où... on a tous des endroits, des trucs dans des villes particulières. Des endroits célèbres. Où t'as l'impression que c'est ton coin et en fait tout le monde le connaît. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ton terre-terre, on a tous un terre-terre. Ouais. Exactement. Et mais pour faire plus de généralité, alors j'ai été sur quelques pages Facebook. En gros, c'est un endroit en particulier. Enfin, les endroits remarquables ou remarqués, les boutiques. Et les activités que tu y fais et les personnages, les gens illustres qui habitent dans cette ville ou que tu croises, ou les gens chelous, par exemple à Tours, donc on vous bassine avec Tours depuis le début. Hein. C'est pas faux. Mais c'est notre terre-terre. Oui, voilà. Parce qu'on habite là-bas, tu n'es pas de Tours si tu n'as jamais vu l'homme à la chèvre. Ah, on a notre star locale qui est. Ah oui, qui prend le tram. Voilà, bah tout le monde l'a vu, qui est une personne marginale et qui a une chèvre et qui a été tellement, qui est tellement connue et reconnue que il y a quelques années sa chèvre a été tuée par des gens. C'est triste. Et la ville de Tours lui a racheté une chèvre. Donc des choses. Que dire de cette information ? Bah non, non, c'est vrai. Non, je dis pas que c'est pas vrai. Je dis que dire de cette information. C'est cool, mais c'est ouais. Pour maintenir. C'est une légende locale maintenant, le gars à la chèvre. Voilà. Ouais. Exactement. Il fait partie du folklore. Ouais. Si vous vivez en région Centre-Val de Loire, vous faites les châteaux de la Loire et l'homme à la chèvre. Ça fait partie. Dans le book touristique, ça fait partie des choses d'ailleurs, des remarquables à voir dans le coin. Les châteaux, on peut en parler aussi dans la région Centre. Oui, mais on va pas parler que de la région Teddy. Non, ouais, je sais, mais tu connais forcément des châteaux quand t'habites dans la région Centre. Tu es de la région Centre, si tu connais des châteaux. Et tu les as visités pendant que t'étais à l'école. Oui, parce que en fait, je suis pas sûr que tu les connaisses forcément plus. C'est comme quand t'es à Paris, tu connais pas forcément plus la Tour Eiffel que quand t'habites par chez nous, parce que nous, tu l'as forcément vu en voyage scolaire. Alors que quand t'es à Paris, à la limite, tu peux être passé devant toute ta vie et sans être monté dedans. C'est un peu pareil pour les châteaux de la Loire. Ça fait quand même, enfin, c'est une des grandes destinations touristiques quand même tous les étés. Et quand t'es Tourangeau, t'as pas. Tu vas à l'école, toi. Ou tu vas en sortie scolaire. À l'école, ouais, tu l'as fait à l'école, ouais, mais des fois avec une âme d'enfant, et depuis tu dis ouais, c'est bon, le château d'Amboise, je connais, alors que tu n'y as pas été depuis l'âge de 8 ans. Et comme disait Martin, par exemple, tu es de la campagne si tu as déjà organisé un road trip pour aller en ville. Parce que comme il l'a expliqué, avec l'organisation des bus, l'autorisation parentale, tout ça. Mais à contrario, tu es né en ville, enfin tu as grandi en ville. Si tu connais par cœur ton pâté de maison et celui d'à côté et que tu peux aller les yeux fermés chez tes potes, sans voiture, sans tram, enfin, à la limite en tram ou en métro, sans avoir à demander à tes parents pour te déplacer. Mmh. Par exemple, il y a Tu es de la campagne, si les Baudins, tu les regardes au second degré. Tu es de la ville, si les Baudins, tu les regardes au premier. Oui, bah, c'est un petit peu bébert tout à l'heure, hein, notre cliché. Voilà. JF était notre cliché de citadin, mais voilà, c'est ça. Et juste pour Baudins. La petite référence, je suis allée à Paris ce week-end, j'ai su que j'étais arrivée à Paris parce que même les gendarmes te doublent par la droite sur le périph. Oh putain. Et oui, c'est ça qui est bon. Et tu sais que t'es à la campagne parce que sur la route, tu peux être bloqué par un tracteur. ou par un troupeau de vaches, ou par tout autre animal ou objet agricole improbable. Une voiture sans permis aussi, parce que énormément à la campagne des voitures sans permis, ouais. Tu bloques la route pendant 10 km et tu peux pas doubler parce que c'est une route de campagne. Pas je suis pas d'accord. Il y a pas de voitures, enfin il y a pas trop de voitures sans permis à la campagne. Je suis quand même. Ah bon, j'en vois presque jamais. La campagne les voitures sans permis. Hein. J'en vois presque elles jamais. Elles font des grands trajets intervilles. Ah ouais. Elles vont super marché, c'est 45 km. Elles empruntent la nationale qui est limitée à 80, sauf qu'elles sont à 40. Bah ouais, mais la nationale tu les vois pas parce que tu les doubles direct. Oui, alors tu les doubles après tout un convoi de voitures, mais c'est surtout sur les routes de campagne. C'est horrible les voitures sans permis. Je sais pas. Oui. C'est un fléau pour l'humanité ça. C'est bon, Théo a poussé sa gueulante, ça va mieux. Non, j'en fais pas trop, non. Non, je ne suis pas une drama queen, non. Buvez mes larmes. Oh là là, je te jure. Par exemple, tu es de la campagne, si tu as déjà, enfin, tu n'as pas choisi ton lieu d'école, enfin, on sait que c'est collège. En regroupement. On sait que c'est en regroupement, mais tu sais que t'as 99% de chance d'aller dans le collège de ta ville d'à côté, alors qu'en ville, t'as un peu plus de choix et t'as plus d'options. C'est ça. Et puis c'est surtout qu'à l'école primaire, si t'as quelqu'un que t'aimes pas dans ta classe, tu sais que tu vas te le taper pendant 10 ans. Quoi. C'est ça, t'es dans la merde, quoi. Ça forge des amitiés, hein. Oui, exactement. Pas pour le coup. Et puis des ennemis aussi, c'est selon. Ah bah, clairement. Ah, j'ai eu de la chance, moi, j'ai une dérogation, parce que normalement... Enfin, petit aparté. Oui, parce qu'en gros, comme elle l'a dit, Audrey, quand tu habites dans un petit village en campagne, tu vas forcément dans l'école déjà du village, s'il y en a une, et après tu vas dans le collège du canton. Et moi, je devais aller dans un canton, le canton de Château-Renaud, pour ceux qui connaissent. Et ma mère, elle voulait surtout pas, parce qu'elle a été Amboise, du coup, elle voulait que j'aille à Amboise. Amboise, là où il y a les locaux du Vista. T'as été privilégié, t'es rentré dans la grande ville. C'est ça, direct. Il y en a quelques-uns qui contournent avec des options, des choses comme ça. Mais c'est dur d'avoir des dérogations, quand même. C'est pas si aisé. C'est dur d'avoir des dérogations et c'est dur d'avoir les options, parce que moi, je me rappelle, en voulant aller à un lycée avec une option particulière et un lycée qui était sur Tours, il fallait que, étant d'Amboise, que j'ai 16 de moyenne pour entrer dans ce lycée-là, alors que les gens étaient sur Tours, avec la moyenne... Mais ça, c'est les lycées d'excellence, mais il y en a partout, je veux dire... C'est pas... Non mais c'est une question de canton aussi, parce que quand tu étais sur Tours, tu pouvais rentrer, si c'était ton lycée de prédilection, tu rentres avec la moyenne. Alors que moi, il me fallait 16 de moyenne pour pouvoir accéder au même Il y avait un... c'est salaud. C'est de la discrimination à l'embauche, presque. Oui, mais c'est la vie. Ouais. Et j'ai vécu personnellement les deux, c'est-à-dire l'école de ville, parce que quand j'étais jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais plutôt en ville, petite ville. T'étais plutôt en banlieue parisienne. Ouais, oui, mais c'était une ville, Montlhéry, en banlieue parisienne, 9-1 represent. Oh bah, c'est parisien, quoi. Et non, je suis Montlhéry. Je suis arrivé, donc c'était une école qui faisait 450-500 élèves, et je suis arrivé dans une école qui en faisait 90. Et très clairement, c'est pas du tout la même ambiance. Alors, venant de la ville et venant de la banlieue parisienne qui plus est, t'es très mal perçu hein, quand t'arrives dans une école où tout le monde a grandi ensemble et que t'es 90 personnes, parce que tout le monde se connaît et ils se disent... je t'aurais jeté des cailloux, moi. Tu m'aurais détesté, c'est sûr. Mais du coup, mon expérience dans une petite école qui aurait pu être sympathique, parce que tu te dis, ouais, cette petite école, ça peut être cool, quoi. Ah bah non. Mais elle n'a pas été si sympa que ça, parce que finalement, j'étais un peu rejeté parce que j'étais l'intrus. Ouais, donc voilà. Après, suite à cette histoire dramatique de Théo. Oui, c'est encore une histoire dramatique, effectivement. C'est comme les voitures sans permis, ça. Hein. Pleurer dans les chaumières, en fait. Je vous invite, chers auditeurices, à commenter sur Facebook et à nous dire, vous, vos particularités de vos villes ou de vos campagnes, ou si vous avez déménagé, changé comme Théo, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que interagissez avec nous, soit sur Instagram, soit sur Facebook, pour voir ce que vous, vos ressentis, c'est d'être à la campagne ou d'être à la ville, des choses que vous avez faites ou fait petit ou ado, comme disaient les garçons tout à l'heure, et qui vous a marqué et que vous ne vous verrez pas faire en campagne, par exemple. Elle a raison, la dame. Interagissez avec nous. Direct sur les réseaux sociaux pour ça. Tu voulais rajouter quelque chose, Audrey ? On est pas mal, je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal. Bah, tu embrayais sur les conneries qu'on pouvait faire à l'adolescence. Exactement. Eh bien, justement, Teddy va nous en parler tout à l'heure, les conneries qu'on fait en ville et les conneries qu'on fait plutôt à la campagne. Et il y en a des choses à faire. On va vous donner des idées, mais à ne surtout pas reproduire chez vous. Epsilon, Jolan, t'as envie de prendre ton pied ? Ouais. T'as envie de t'envoyer en l'air ? C'est pas une question piège, Jolan, tu peux répondre. Non, mais je sais pas si c'était tendancieux ou pas, en fait. Peut-être. Je sais pas du tout, c'était pour annoncer peut-être. Le titre astronaute d'Epsilon qui arrive sur Indestar. Très bonne soirée. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Indestar.fr sur toutes les applications aussi, jusqu'à 23h grand minimum, 22h42 ce soir, on passe la soirée ensemble avec cette émission à la maison du lundi où on parle de la ville, on parle également de la campagne. On aura tout à l'heure pour terminer cette émission un quiz, on jouera ensemble avec quelques questions sur exactement l'exode rural. Je vous laisserai réviser la définition juste avant le quiz. Et puis avant, on a Teddy qui va nous parler de toutes les conneries finalement qu'on peut faire quand on est jeune et délinquants. Et surtout qu'on en a des conneries à faire. On en a des conneries à faire, clairement. On en a sans doute fait tous. Et j'aimerais commencer par ça d'ailleurs. Jolan, t'as grandi plutôt en campagne. Bien sûr que c'est sûr qu'on va commencer par ça. Qu'est-ce que tu crois? Oh là là, c'est quoi cette fausse innocence? T'as grandi en campagne, on est d'accord? Oui. C'est quoi pour toi la connerie que t'aurais envie de raconter là tout de suite, qui pas forcément la pire, mais bon là, n'importe. Vas-y, balance une connerie. Une connerie t'as fait en campagne. Une connerie que j'ai faite en campagne. Ouais. Genre que tu peux faire en campagne, mais pas forcément en ville. Comme je suis en train de réfléchir, on était très cons, on était très jeunes aussi. Ah mais ça peut être naturel. Et en fait, avec des copains, c'était très drôle à ne pas reproduire. Il y avait Antoine ou pas ? Non. C'est pas encore à ce moment-là. Non, on y fait des bisous quand même. Vous écoutez Antoine d'Actu Solite, qui est la bande de jeunes avec très gros avec. Je l'ai connu un peu plus tard, Antoine. D'accord. Mais ouais, ce qu'on faisait, c'est qu'on jetait des boules de terre sur les voitures. Effectivement, merde. Sur les voitures et les tracteurs qui passaient. Et on se cache dans les champs. Effectivement, t'as moins de chances de pouvoir le faire en campagne, en ville, parce que t'as pas de champs et t'as beaucoup moins de terre. Hein. Oui, y a pas de terre. Bref, faut la trouver la terre. Tu jettes des pavés, mais à ce moment-là, c'est des 68. Quoi. Ouais, c'est et ça. Du coup, puis... je suis pas fier parce que c'est un truc à pas reproduire. Quoi. Ça peut créer des accidents ce genre de truc. Ah, c'est pas faux. Mais bon, c'est des conneries qu'on fait quand on est jeune. Les automobilistes, de toute façon, tout ce qu'on va vous dire, faut pas leur faire. Mais ça peut déconcentrer des automobilistes et provoquer des accidents. Et puis surtout, à l'intérieur de tes boules de terre, des fois, il y a un peu de cailloux. Les cailloux peuvent péter une vie. Peuvent rayer la voiture, etc. Moi, je t'explose la gueule. Je te le dis. En tout cas, tu as bien compris le thème de connerie. Hein. On est bien sur de la connerie. C'est pas forcément intelligent de reproduire ça. Audrey, exactement. Toi, tu as grandi plutôt en ville, pour le coup. Non, j'ai grandi à la campagne avec des cousines et tout. Ouais. Et nos activités préférées avec mes cousines, c'était évidemment d'aller se balader dans les champs et de voir les immenses meules de blé, enfin de fourrage, les rubanistes, les ballots, les enrubanés, et de monter dessus. Et une fois arrivé au sommet, on s'est dit bof, tu crois. Donc on était trois filles, avec la plus grande, on se regarde, on fait, tu crois que ça fait mal si on tombe? On pousse la plus petite. Effectivement, ça fait mal. Oh, les pieds. Ouais. Oh. Non, mais avec les bottes de fond comme ça, fallait faire la course. C'est trop bien. Tu te mets deux mains dessus et l'autre qui pousse. Et puis t'as deux équipes et tu fais la course qui arrive. Ouais, mais alors pousser, faut qu'elle soit bien fraîche, hein, parce que je peux te dire que quand c'est pas frais, ça sera molli au niveau d'un côté. Et c'est vachement lourd quand même. Oui. Ça pèse son poids quand ça tombe sur la gueule. Moins deux à pousser pour pousser correctement. Ouais. Et puis faut celui qui est dessus, faut qu'il, tu sais, c'est comme un tapis de sport, quoi. Faut qu'il ait l'équilibre. Parce que s'il tombe, c'est perdu. T'es obligé de remonter dessus. Tu perds du temps et l'équipe d'en face, bah, prend la tête. Donc je considère que tu as déjà fait ça. Moi, oui. Ah voilà. Est-ce que c'est cette connerie-là que tu voulais raconter? Non, c'est pas cette connerie-là que je voulais raconter. Alors c'est laquelle que tu as? Pour moi, c'était pas une connerie, ça. C'était amusement. Je peux te dire que ma mère grande l'a pris comme une connerie. On s'est bien fait engueuler, hein. Forcément. Ouais. Ah, c'est cassé le bras, la jambe. L'agriculteur du champ, il l'aurait vu, il aurait pris ça aussi comme une connerie, mais ouais. C'était pas pour moi, c'était pas dangereux, et c'était surtout une activité d'occupation quand t'es à la campagne. Ouais, c'est un amusement, clairement. Mm-mm. Du coup, c'est quoi, toi, la connerie ? Ce que j'aimais bien faire quand j'étais ado, j'aimais déjà beaucoup conduire, sauf que j'avais pas de voiture parce que j'avais pas le permis, forcément, j'avais 14 ans, et avec un pote qui adorait faire du vélo et qui était plutôt beaucoup plus baraque que moi, il aimait bien en fait accrocher mon vélo, du coup, que je lui prêtais, avec vous savez les voitures que vous avez qu'on pouvait avoir, les petites voitures électriques quand on est gamin, qui avancent à 2 à l'heure là. J'avais récupéré une voiture comme ça chez la personne qui me gardait à l'époque quand j'étais petit, sauf que bon, la batterie, tout ça, c'était pourri, donc je l'avais enlevé. Et donc, au début, avec ma sœur, on s'amusait à se pousser dans cette voiture-là. Et je me suis dit que ça manquait un peu de puissance, quoi. Donc, on avait accroché le vélo à la voiture. Et mon pote roulait à 30 km/h, comme ça, à fond les ballons, dans les virages en glissade, etc., pendant que j'étais au volant de la voiture. Et on s'amusait à faire ça dans le quartier, donc avec des glissades, en passant entre les voitures qui roulaient réellement, tu vois. Et c'était un peu dangereux, mais c'était très marrant. J'ai fait des petits tonneaux, j'ai complètement claqué les pneus en plastique qui se sont brisés en deux dans le sens de la longueur, parce que, évidemment, c'était pas fait pour ça, quoi. Mais on s'est bien amusé, on l'a bien usé jusqu'à la corde, cette voiture. D'accord, c'est fun, je valide. Ah, et très très fun, hein. C'était très fandard, hein, comme activité. Je vais vous en raconter une qui est un peu en rapport avec Audrey, parce que justement, elle m'y a fait penser, merci à toi Audrey, avec les ballots de paille. Alors, il faut savoir, les ballots de paille, il y en a des rondes et il y en a des petites carrés. Oui, un petit carré pour rouler, c'est moins bien. Alors, pour rouler, c'est moins bien, par contre, pour pouvoir les soulever et les lancer, c'est plus facile. Non, c'est pas si lourd que ça. Bon, non. Non. C'est qu'on était vachement fort à la campagne. Hein. Non, je sais pas. Mais même ma sœur, elle les soulève, quoi. Donc, elle les soulevait. Parce qu'on faisait des batailles de ballots de paille. D'accord. Donc, bon, tu vois, t'étais là avec les ballots de paille. Alors, mon père, il détestait, hein, parce que forcément, il se défond un peu à force de jouer avec. Oui. Tu fais des batailles et tout. Ils étaient rangés sous le hangar en plus, et nous, on les dévirait à chaque fois. Tu sais, ça faisait des beaux cubes, des grands cubes et tout de ballots de paille. Ouais. Nous, on les dévirait tous et à force, ça faisait plus des cubes. Et du coup, tu faisais des batailles, tu te les lançais et ça pousse, hein. Parce que, c'est lourd et léger en même temps. C'est léger quand tu le portes et c'est lourd quand tu le reçois. C'est lourd quand tu le reçois. Bah, ça te pousse, hein. Du coup, nous, on s'amusait à s'enterrer le plus possible, quoi. Avec les ballots de paille. Un peu dangereux. Un peu dangereux. Même si tu respires à travers, hein, clairement. Mais bon, c'est. Voilà. Ouais. Par contre, tu as beaucoup de blessures avec ça. Parce que ça fait plein de griffures partout sur le corps. Et surtout que moi, je faisais ça torse nu aussi. Mais bon, ça aide pas. Et vous vous amusez pas à faire des cabanes avec ça? Parce que c'est génial pour faire des cabanes. On l'a déjà fait. Oui. Oh là là, j'ai des amis qui ont fait une cabane avec le foin. Et puis après, ils y ont foutu le feu. Ah bah ouais, alors ça, c'est moins intelligent, ça, bizarrement. Oui, pourquoi? Bah, pourquoi ils ont pas fait exprès, j'imagine. Bah clairement, en fait, ils sont cachés dans le hangar à foin. Et puis, ils avaient besoin de lumière, donc ils ont pris une bougie. D'accord. Mais bravo. Ils avaient 7 ans. La bougie avec bravo. La paille, ça fait pas bon ménage. Mais oui, mais ils avaient 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Genre, c'était des bébés. Même se blesser avec un ballot de paille, généralement, c'est pas cool. Parce que il y a du sel. Exactement, les gens, là, ceux de la ville, là, qui pensent aux scènes de films où les gens ils font l'amour dans la paille, genre jamais. Ça arrive jamais. Parce que la paille, c'est salé. Et quand tu te griffes, parce que même quand tu frottes, on va dire, ton corps contre de la paille, ça va te griffer, ça va faire des mini-griffures, et avec le sel contenu dedans, ça pique un peu quand même, ça chatouille. Donc imagine-toi d'avoir plein de griffures partout et qu'on te jette du sel. C'est exactement cette sensation-là. Moi, j'aime bien, mais bon, tout le monde n'aime pas forcément ça, tu vois. Ça chatouille. Mais par contre, ouais, des ballots de paille pour faire des cabanes, c'est des Lego géants, c'est génial, moi je trouve ça. Ah bah oui, clairement. Vous voulez offrir des ballots de paille, déposer les Indestar. Ah, mais oui, enfin. Mais tu sais, le nombre de jeux qu'on pourrait faire, alors que ce soit dans la avec des Lego géants dans notre émission, avec des ballots de paille, mais moi j'adore ce genre de jeu. De quoi? Ça s'achète. Ouais, mais ça se conserve pas trop, puis l'intérêt, c'est pas... Ouais. Ça soit dans un lieu qui s'y prête. Donc, appel aux dons, chers auditeurs, chers auditrices. On veut un lieu pour faire des batailles de ballots de paille. Si vous avez des ballots de paille pourris ou dont vous ne vous servez plus, déposez-les à Indestar, ils sauront quoi en faire. Bon, je sais pas si on pourra les entreposer, mais en tout cas, on pourra s'éclater avec, ça c'est clair. C'est moi, je rêve de faire un genre de comment, bah, comme on avait fait Get Stars en extérieur il y a 2 ans, hein, mais de faire une sorte d'interville, tu vois. Avec des qui jeux fait du genre. La machette, c'est ça la question. Non mais c'est génial. Je trouve ce genre de jeu, j'ai toujours adoré. Quand j'étais gamin, bah dans mon village, il y avait les jeux intervillage. Et ah ouais. C'était ça. Ouais. Alors j'ai fait ça un peu aussi petit pour pouvoir y participer, mais c'était chouette, des trucs avec du savon. C'était nos intervilles à nous. C'était nos intervilles à nous, exactement. Ouais. Il n'y avait pas ça en ville d'ailleurs, hein. petit pic. Enfin, eh non, eh non. Alors, en conneries faites à la campagne. Alors la première, c'est pas trop une connerie, ça dépend comment on le prend. Mais j'aime bien parce que je le faisais assez souvent. Tu pouvais courir à poil dehors, même au bord de la route, enfin pas au bord de la route, mais au niveau de la route. J'avais un portail chez moi et tu pouvais te mettre à poil devant. Tu t'en foutais parce que les voitures passent, mais oui, ouais, clairement. Mais comme c'est une nationale, parce que j'habitais quand même au bord d'une nationale, c'est waouh. Oh ah, c'est le seul truc qui me rappelle que j'habitais, enfin qu'il y avait des gens autour de moi, quoi. Ah, clairement. Et t'avais quand même pas mal de voitures en fait qui passaient si t'étais au bord de la nationale. Oui. Ah ouais. Ouais. Mais ça s'entendait pas parce Non mais l'autre il nous vend sa campagne profonde là depuis le début de l'émission et finalement pour qu'on se rende compte qu'il habitait à côté d'une nationale. Ah, on choisit pas au coup grandi, mais la pour déception. Pour moi, il y a toujours une route à côté de chez nous. Parce que moi, j'habitais en banlieue parisienne. Tu disais tout à l'heure, ouais, ouais, c'est Paris, c'est la ville. Moi, je suis désolé, mais il y avait rien autour. C'était les bois. Hein. Ouh, rébellion. Et attention. Oh. Et pourtant, pas des voitures passées comme ça toutes les minutes. Hein. Et pourtant, bizarrement, je te mets le cri du faisan. Tu le reconnais pas, j'imagine. Bah, mets-le. Bah, je l'ai pas. C'est dommage. Ah. Je te jure. T'avais le son, tu sais. Je l'aurais eu. Je l'aurais eu. Je te l'aurais mis. Si ça se trouve, avant la fin de l'émission, on l'aura. Mais c'est pas sûr. Ouais. T'as peut-être confondu le cri du faisan avec une 4 chevaux. Ah ouais, mais non, y a aucune chance par contre. Aucune chance. Mais bon, voilà. On rétablit l'ordre, hein. Campagne, je sais ce que c'est. Même si j'avais une route, ça reste de la campagne. Oui. Alors, tu pouvais courir faire de l'exhibitionniste, comme on l'a dit. Et, tout le monde s'en foutait, clairement. Tu pouvais courir dans les champs et abîmer les plantations. Parce que, ouais, faut savoir quand même que quand tu cours dans les champs, tu cours à travers, mais tu écrases quand même des trucs, souvent. Oui, que tu le fasses exprès ou pas, de toute façon. Généralement, tu abîmes pas mal de choses. C'est un peu une connerie quand même. Faut pas trop faire ça. Le mec qui a, enfin le propriétaire du champ, il va pas trop t'apprécier. Non. Ouais. Bah, c'est normal. Mais c'était assez fun à faire quand même. Faut bien. C'est assez marrant à faire. Oui. Puis courir dans les champs de blé, voilà, ça fait partie du folklore. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais champs de blé encore, c'est gentil. Hein. Essaye les tournesols ou les maïs, tu vois, c'est un peu plus drôle. Ouais, non, mais je l'ai fait aussi, mais ouais, tu peux faire des cache-cache aussi dans les champs. Ah, bah oui! Ah, mais après, tu peux te perdre vraiment. Et après, tu peux te perdre vraiment. Dans les champs, tu peux aussi tomber face à des sangliers. Et là, je sais pas lequel des deux a le plus peur, mais en tout cas, la rencontre est épique. Ouais, ça va. Bah, faut pas être devant le sanglier, c'est-à-dire que tu le laisses passer, mais faut pas être devant parce que sinon tu te prends une charge. Ah, bah si, non, ça dépend. Moi, je me rappelle. Il y a peu de chance. Avoir couru derrière mes chiens et suivre de rangée en rangée de maïs. Et de tomber face au sanglier, je ne sais pas de lui ou de moi qui a eu le plus peur. En tout cas, on a couiné tous les deux aussi fort et on est partis tous les deux dans le sens opposé. Alors, on va rétablir quelques petites règles de base pour les sangliers. Sachez quand même que les sangliers vont quasiment toujours fuir. La seule fois où ça va pas fuir et que ça va te charger, c'est quand c'est une femelle et qu'il y a des petits à côté ou pas loin. Voilà. Donc en théorie, vous êtes tranquille, vous voyez un sanglier, il va fuir. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Si vous le voyez avec une famille ou quoi. Ah, si vous voyez d'autres petits, approchez-vous surtout pas des petits, parce qu'elle va vous charger obligatoirement si elle est dans le coin. Donc, par contre, pour revenir sur les champs de maïs, pas très loin de où tu habitais, Jolan, quand tu étais petit à Reignac, exactement, perdu dans le fin fond de l'Indre-et-Loire, il y avait un méga labyrinthe qui existait, le labyrinthe de Reignac. De quoi ? Il existe toujours ? Je... Ah bon, il existe toujours ? Je savais même pas qu'il existait. Moi, j'allais, ben... je vais à 1h30 d'ici à Beaugency pour faire. Ça existe dans plusieurs coins, mais c'est vrai qu'à Reignac, il y a un grand labyrinthe qui existe, du coup, je ne savais pas qu'il existe encore, mais que vous pouvez faire, et c'est à travers les champs. Alors, bien sûr, ça a été aménagé, hein, c'est voilà, mais c'est sympa. Si vous avez de la famille et des enfants, des enfants plutôt petits, ils vont adorer ça. C'est ça. Autre voilà. Petite connerie qu'on peut faire en campagne, alors c'est pas vraiment une connerie non plus, c'est pisser. Tu peux pisser n'importe où sans que ça soit illégal. Oui. Tu peux faire ça. Mais... Tu peux pisser sur un arbre. Tu oui, peux pisser. Enfin, en ville, on sait tous qu'on peut le faire aussi. Alors, enfin... théoriquement, non. Dans les rues, balade-toi dans les rues le soir, tu vas voir le nombre de gens qui pissent dans la rue. Oui, alors tu peux. Alors, tu peux le faire en ville, mais c'est illégal. Et surtout, tu vois les flics. À la campagne aussi, hein, quelque part. Non, bah non, tu pisses à un arbre. Alors, tu pisses sur un arbre à la campagne, je te jure que tu vois des flics passer, même à pied ou quoi que ce soit, ils te diront rien. Clairement. C'est par toléré, contre, c'est toléré, mais. Parce que t'as le droit en pleine nature. Oui. Chier, c'est différent, par contre. On va rester dans pisser. Parce que. Oui. Voilà. Après, tu chies pas n'importe où non plus. Hein. Tu... Attends, dans les bois, faut un petit endroit où il y a. On fera une émission caca pipi, vous inquiétez pas. Dans les bois, près d'un arbre. Voilà. Pas sur un chemin de bois non plus. Tu vois, faut bien. Voilà. Écoutez bien les conseils, notez-les. C'est vrai, ça peut dépanner au cas. On a touché. Alors, 22h57, on touche le fond. La quatrième que j'avais, c'était grimper sur les ballots de paille. Alors, justement, ça revient à la connerie que je faisais quand j'étais jeune. Il y avait des ballots de paille, il y a des ballots de paille en campagne, et tu peux grimper partout, tu peux te taper des délires, tu peux faire, comme disait Théo, des courses, tu peux faire des batailles, tu peux faire des cabanes, tu peux tout faire avec des ballots de paille, clairement. Oui. Donc ça, c'est une bonne connerie à faire. Une petite maison. La maison du petit chaperon. Non, c'est pas le petit chaperon, des trois petits cochons. Non, mais tu l'as fait en prairie, et comme ça te fait la petite maison dans la prairie. Voilà. Ah oui, c'est... Ah, c'était nul à chier. Nul à chier. C'est quoi la prairie? Une prairie, c'est. On a la prairie. Mais non, tu prends des ballots de paille et tu les emmènes dans la prairie. Comme ça, tu fais une petite maison dans la prairie. Ah oui, oui, ah. D'accord, ok. Ce que tu pouvais faire, et ça, c'est toi qui m'as suggéré cette petite connerie, c'est conduire sans permis dans les champs. Faire des drifts, des. Oui. Ou même conduire tout court. Avec la vieille voiture du grand-père ou avec ce qui traîne en fait en engin à moteur, oui, tu peux t'éclater dans les champs sans risque. C'est de l'apprentissage. Oui. Exactement. Alors, mais ça dépend du niveau d'apprentissage, hein, parce que j'en ai vu qu'ils arrivaient avec une roue en moins. Enfin, ouais. Ah, mais ça, c'est parce que c'est avant ton permis cascade, ça. C'est, oui, voilà, c'est ça. Effectivement. Tu commences par passer la première, après tu fais. J'ai vu sur l'autre fois sur Facebook, alors c'est une youtubeuse ou une facebookeuse, je sais pas comment on appelle ça, une fille qui fait des vidéos, et ils s'amusaient justement, ils avaient modifié des BMW. Il y en a une qui avait une grosse cheminée diesel qui sortait du capot, etc. Donc, pour point de vue pollution, c'était pas top, mais ils s'amusaient à faire des courses dans les champs et ils allaient à 200 en se rentrant dedans, c'était super fun. J'aurais adoré être à sa place. Je comprends. Alors ça, c'était pour les conneries à la campagne. Maintenant, on va passer aux conneries à la ville. Alors, je connais un peu moins, mais bon, on a tous fait des conneries, même à la ville, hein, au final. Donc bon, la première, c'est sonner à la porte. Ça, c'est Audrey qui l'a suggéré. Effectivement, sonner à la porte, tu vois, la nuit, tu vois, où t'es avec tes potes, tu reviens, t'es bourré, tu sonnes à toutes les portes et tu te barres en courant. Oui. On l'a tous au moins fait ou entendu parler de gens qui l'ont fait. C'est un classique. Alors tu peux le faire à la campagne aussi, mais c'est vrai que t'es plus adepte des canulars téléphoniques à la campagne. Ouais, et puis ça se voit, et c'est puis ils sont capables de te poursuivre avec le fusil, tu vois, c'est pas... Non, c'est tu pas le fais pas. Et puis ils te connaissent parce qu'ils te reconnaîtront forcément. Il faut une sonnette aussi. José, tu vois, ouais. Voilà, parce que t'as le t-shirt rouge, et c'est le seul t-shirt rouge du village. Alors que quand t'es en ville, tu passes plus inaperçu. Puis il faut une sonnette aussi. Voilà. Il faut pas qu'il y ait de chien dans la cour, quoi. Ouais, bah oh oui, oh putain, bien oui, c'est vrai. Oh, j'y ai pas pensé à ça. Tu te fais défoncer par les chiens avant. Mais bon. Ça. En ville, connerie que je m'amuse à faire de temps en temps. Écouter de la musique fort pour faire chier les voisins. Oh là là. Ah, un classique aussi. Oui, tu fais un concours, c'est-à-dire qu'en principe c'est le voisin d'à côté qui commence. Ah bah et oui. Puis toi, plutôt que d'aller le voir et puis de lui demander de baisser la musique, Tu dis, ah, ok, il veut jouer à ça. Et eh ben, il va aller voir les 2x200 watts que j'ai à l'appart. Ouais, mais... Et là, boum, c'est la ça. Sauce. Mais moi, je lui demande même pas s'il peut baisser. Hein. Ah bah non, c'est juste qu'il met des musiques tellement de merde que je veux pas. Ah non, il peut pas m'imposer ça. De musique de merde. Bon, non, il peut mettre une Johnny Hallyday, il peut mettre n'importe quoi, mais ah, c'est horrible. Jamais de musique qualitative. Ouais, clairement. Donc, bon. J'ai mis Indestar, les voisins, c'est fou. Non, ouais, c'est clair. Du coup, moi, je mets. Alors, je mets pas Indestar parce que sinon, il va trouver ça chiant. Je mets. Bah oui, non, faut bien, quand même. Minimum. Je mets des musiques fortes de manga. Du coup, bah, personne apprécie parce qu'ils connaissent pas. Et ça, c'est beau, ça. ça les fait bien chier, enfin, en théorie. Je les entends râler, donc c'est cool. ah, c'est mon petit plaisir, moi. Ce que tu peux faire en ville aussi, quand t'habites dans des résidences ou que t'as des parkings avec des places attitrées ou pas forcément d'ailleurs, tu peux te garer sur deux places et faire chier tout le monde. Ah, c'est chiant ça, hein. Le mec qui a la super Laguna, attention, la super Laguna, le gars il se gare sur deux places, t'as vraiment envie de rayer sa bagnole ou je sais pas, mais... On est d'accord, mais moi quand c'est comme ça, alors en fait pas quand le gars se gare sur deux places, mais quand le gars se gare genre à ma place quand je suis au travail, ça m'arrive d'arriver et que quelqu'un s'est garé à ma place. Alors quand c'est comme ça, moi je me mets juste derrière, je le colle pour qu'il puisse pas sortir. Ouais, non, mais c'est... alors ça c'est ça dépend de des risques qu'on veut prendre, mais il y a des risques aussi que le conducteur qui s'est mal garé, enfin qui s'est garé à ta place, soit un très mauvais conducteur et du coup va cogner dans ta bagnole. C'est un risque à prendre. Parce que de toute façon, il est coincé, donc il peut essayer de reculer. Au pire, il va déplacer ma voiture avec. Mais il va plus abîmer son embrayage que abîmer ma voiture. Hein. D'accord. Bon, c'est juste pour en fait que le mec se rende compte de sa connerie et qu'il en subisse les conséquences. Parce que sinon, c'est trop facile en fait. Ouais, c'est pas faux. Et le mec, il se garde sur deux places de parking. J'aurais envie de lui boucher à l'arrière pour qu'il puisse plus sortir. Oui, clairement. Mais il y a tellement de conneries à faire. J'ai envie de rayer ces bagnoles moi à chaque fois. Mais bon. Oui, bah, on voit pas juste là, mais. Moi, j'ai dit que j'avais envie. J'ai pas dit que je l'avais pas fait. Bref, la prochaine, c'est un peu vicieux et c'est pour ceux qui ont des chats et des fenêtres. Ah. Utiliser, voilà. Tu sais, un genre de petit laser, parce qu'on sait tous que les chats adorent les lasers, hein, c'est pas qu'un mythe. Non. Et tu l'utilises à travers la vitre du voisin pour faire enrager le chat pour qu'il défonce tout le mobilier. Ah, mais okay, d'accord. Je l'ai fait deux fois dans ma vie, et en Amboise hein, en plus. Jolan, t'habites en étage, mais c'est pas loin de ta rue. Ouais. T'as de la chance. D'accord. Je vais en avoir un, donc si tu veux faire un laisser, je déconne. Je dois avouer que c'est assez fun à faire. C'est salaud, mais c'est assez fun. Ouais. Non, mais tu sais que j'ai appris d'ailleurs, bon, c'est une petite aparté, mais que c'était pas du tout bon de faire jouer un chat avec un laser. Ah, parce que la lumière qui peut lui faire bien jouer, non ? Il y a ça, ouais, déjà. Bah non, il regarde pas généralement le laser, il regarde le point. Mais en fait, ce qui va être frustrant pour le chat, c'est de savoir qu'il peut jamais l'attraper. Oui, oui, ouais, c'est pas fou. Mais voilà. Moi, je suis ça avec la souris de l'ordinateur, ça marche très bien avec la maison. Tu vois, autant les souris en vrai, ils attrapent pas, mais autant la souris de l'ordinateur, c'est pareil, il veut tout le temps l'attraper. Mais il n'y arrive jamais, hein, parce que c'est derrière l'écran, évidemment. Non, mais du coup, moi, on pense que ça les amuse et tout sur le moment, mais en fait, tu te rends compte que les chats sont vachement frustrés après de pas pouvoir attraper le truc. Ah, mais c'est l'histoire d'une vie, ça. Que ça soit un chat ou même un humain, on va tous être frustrés si on n'arrive pas à attraper quelque chose. Alors, humain, on se fait moins avoir par un laser quand même. Si tu te fais avoir par un laser quand même. On joue moins avec notre queue aussi. Enfin, ça dépend de. Bon. La dernière connerie qu'on fait en ville, je vénère cette connerie. J'ai envie de la faire aussi. Je sais pas pourquoi. On a tous un moment dans notre tête où qu'on passe par là. C'est voler des cônes de signalisation. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas si Antoine nous écoute, mais lui, son kiff, c'était de voler les panneaux de chantier. Il est ramené chez lui. Mais oui, on comprend pas. Mais pourquoi? On fait pas de chantier. On fait rien avec ces trucs. Mais on les vole. Si, mais bien sûr qu'on en fait des choses. Alors j'ai toi, une superbe lampe à la maison. Il y a que Théo qui a un code de signalisation qui sert à quelque chose. Je sais pas si je peux le raconter, mais j'ai quand même le faire à mes risques et périls si mon père m'écoute. Il m'a raconté une petite anecdote parce qu'il vivait à la campagne aussi. Il y avait un PMU, c'est le PMU du coin, tu vois. Bizarrement. Et Et ils étaient un peu décalqués, on va pas se le cacher avec ses copains. Ouais. Et ils ont pris tous les panneaux de déviation pour les ramener vers le bistrot. Ah ouais. Et ils se sont fait choper par les flics après, malheureusement. Ça, bon. C'est beau. Ça, c'est beau. Moi, voilà. Régulièrement dans quand, la quand ils me racontaient ça, j'ai trouvé ça tellement drôle. Régulièrement dans la copine où j'habite, ils font des choses avec les panneaux de signalisation plus ou moins intelligentes. Des fois, ils les déterrent simplement. Et puis, oui, des fois, il y a le fait d'indiquer une autre direction, etc. Ce qui peut être plutôt drôle comme ça quand t'arrives et que tu connais pas, bah tu vas dans la direction opposée. je comprends pas ce qu'on a ce délire, parce que c'est souvent en ville, hein, clairement. Pourquoi on défonce les panneaux, on les vole, ou je sais pas, mais non, on le fait. Défoncer, et c'est bon. C'est pas bien, tu vois. Mais par exemple, une déviation, le fait de changer les panneaux d'une déviation, en vrai, c'est très drôle. Tu fais tourner le mec en rond, il fait trois fois le tour du quartier parce que les déviations, ouais, elles font un carré, tu vois. Mais je dis pas qu'il faut le faire, hein, surtout de reprendre les panneaux. Il dit pas qu'il faut le faire. Parce que en plus maintenant avec les GPS, tu vois, le fait de changer les panneaux, ça marche plus vraiment. Par contre, avec les panneaux de déviation, ça marche toujours autant parce que tu suis les panneaux de déviation avec ton GPS t'indique la route que normalement t'aurais dû prendre. C'est pas faux, mais bon, comme quoi. Ouais. Et les cônes aussi, en fait, vous avez envie de les voler, je sais, je vous comprends, j'ai envie de le faire, mais je sais pas ce que je ferai après avec un cône. Donc il va plus m'encombrer qu'autre chose. Si vous voulez un cône de signalisation, un cône de chantier, vous pouvez en acheter. Hein. Vous allez à un magasin de bricolage. Ah ouais, mais non. Non. Ça n'a pas la même valeur. Je suis complètement d'accord. Ça n'a pas du tout la même valeur que de le voler sur. Quand tu l'as volé, t'as. Voilà. Non. Le voler, c'est pas le bon terme. C'est de l'emprunter à long terme. Vous êtes vraiment en train de faire de la propagande pour voler des sacs. C'est ça. On arrête ça tout de suite. C'est pas faux. C'est de l'emprunter à long terme. L'emprunter à long terme. Et si on écoutait de la musique, clairement. Écoutons de la musique, ouais, plutôt. Alors, si vous aimez Aya Nakamura, vous allez souffrir. Mais pour les autres, vous allez vous faire plaisir avec Bootleggers United, qui s'appelle Destroy Jaja, et c'est sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Et c'est la dernière ligne droite de cette émission à la maison du lundi soir pour bien commencer la semaine. On confronte cette semaine la ville et la campagne et on termine par un quiz sur l'exode rural. Et pour jouer avec nous, il y a Antoine qui nous a rejoint. Salut Antoine. Salut Antoine. Tu solides, hein, bien entendu, et puis de Vita Conso également. Et un peu partout d'ailleurs, on retrouve Antoine d'antenne. Mais ça fait un moment qu'on t'a pas eu à l'antenne à cause de tout ça. Et t'es là ce soir pour jouer avec nous, et ça tombe bien, puisque je vous ai réservé 7 questions. Donc ce soir, Antoine contre Jolan, contre Audrey, contre Teddy. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que Teddy, t'es prêt à compter les points? Je suis prêt à compter les points. Il y a des chances que je perde. Oui, non, mais alors non, t'as pas besoin de lancer Jolan. Tous ceux qui sont fidèles à cette émission le savent. Et en fait, vous pouvez bien entendu jouer à la maison, prendre une feuille et un papier pour jouer avec nous. Vous savez que si Jolan donne une réponse, il y a de fortes probabilités qu'il ne faut pas donner la même réponse pour pouvoir gagner au plus. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien, on sait jamais, tout peut changer aujourd'hui. Alors, cette question. Depuis les années 50, comment varie la population des campagnes? À votre avis, est-ce qu'elle augmente de ouf? Est-ce qu'elle diminue de ouf? Ou est-ce qu'elle varie dans le ton selon les humeurs? Dans le temps, selon les humeurs. Dans le ça ton, veut rien dit, dire. Ouais, j'ai dit dans le ton, j'en mais plus. Dans le ton selon les humeurs. Oh, je suis déjà fatigué, mais tu me fatigues. Je sais. Il n'y a pas quoi. Moi, je dirais. Alors, je dirais pas. Je dirais la première, moi. Elle augmente de ouf. Ouais, okay. Ouais, moi aussi, dans la première. Ok, à la première pour Antoine. Teddy, tu dirais quoi? Bah, je dirais qu'elle diminue de ouf, moi. Toi, diminue de ouf? Bah ouais, parce Ouais. Bon, je peux donner une explication? Après, d'accord. Et Audrey, tu dirais quoi? Elle diminue. Bah alors, vas-y, Teddy. Théoriquement, t'as dit dans les années 50, c'est ça, hein? Non, depuis les années 50. Ouais, on va dire avant il y avait de la campagne et des villes, voilà, mais c'était quand même bien distinct. Maintenant, t'as quand même beaucoup de villes qui se développent et t'as des villages qui sont devenus des villes et tout ça, donc t'as beaucoup moins de campagne de disponibles. Donc bon, pour moi il y a moins de campagne. Ça me paraît logique. Uh-huh. Ouais, mais alors pour toi ça serait les anciennes campagnes qui sont devenues villes en fait. Ouais. D'accord. C'est une théorie qui se tient et en tout cas la réponse était celle-là, donc elle diminue. Je sais pas, mais elle diminue depuis les années 50. C'est justement tout le titre de mon quiz qui s'appelle l'exode rural, donc le fait d'aller de la campagne vers la ville. Ça a été un gros mouvement dans les années 50, 60 et même 70. beaucoup moins depuis. On a eu des retours de population dans les campagnes et on en aura encore peut-être plus dans les années qui viennent, notamment avec avec l'accès internet, le télétravail et compagnie. Mais en tous les cas, si on met un point aux années 50 et un point en 2020, on a clairement une baisse de la population des villages. Bah toi, pourtant là qu'on a grandi avec Jolan, il y avait 400 habitants quand j'étais plus jeune. Non mais on est à plus de 500 maintenant. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait c'est parce que la population globale a augmenté et en fait a augmenté bien plus que la population de ton village en fait. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il y avait plus de monde dans les campagnes que dans les villes maintenant. Moi aussi je m'étais fait cette logique. De toute la manière, c'est dit pareil que Jolan, donc t'avais forcément faux. Oh, je l'avais dit, j'avais prévenu. Attention. Deuxième question. Qu'est-ce qui limite la croissance de la population dans les campagnes? Est-ce que c'est trop de personnes qui meurent? La consanguinité. Et les gens font beaucoup de bébés. Ou les villes s'agrandissent et engloutissent les anciennes campagnes. C'est ce que tu disais, Teddy. Trop de personnes meurent, les gens font beaucoup de bébés. Ou les villes s'agrandissent et engloutissent les anciennes campagnes. Teddy, à ton avis. Est-ce qu'on peut choisir l'option de Teddy ou pas? Je vais dire la 3 parce que je vais continuer sur de suivre mon idée. Bah tu as bien raison d'y croire. Il faut toujours rester sur sa lancée. Ou pas. Jolan, tu dirais quoi? Je vais suivre Teddy, allez. D'accord. Antoine, tu dirais quoi? Ah bah j'ai faux alors. Vu que je suis Teddy, moi je vais plutôt dans la A plus de mort. Ah il est glauque, tu dirais. Audrey, tu dirais quoi? Pareil, la 3. Englouti ses anciennes campagnes. Et bah personne n'a bon, hein. C'était les gens font plus assez de bébés. Mais ça n'a rien à voir avec. Pourquoi Jolette t'as choisi la 3? T'es un bâtard. Dans les campagnes. Parce que avant les familles, enfin en campagne, avaient souvent plus d'enfants que dans les villes. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. En fait, on a la population, enfin le taux de natalité à peu près le même, qui fait que ça repeuple pas assez les campagnes. Voilà. Ceci explique cela. Troisième question. Quel est le pourcentage des plus de 65 ans, à savoir Robert, Ginette, Josiane et ses copines, dans les campagnes? Est-ce que c'est 20%, 30% ou 40%? Moi, je dirais 40. Ouais, moi aussi, je dirais 40. Alors, 40% pour Antoine et pour Audrey. Jolan, tu dirais combien? J'ai dit la même. 40% aussi, et Teddy? Ouais. Ça voudrait dire qu'il y a 40% de la campagne qui est vieux? Ouais. En gros, ouais. Ah, j'ai envie d'avoir un peu d'espoir, 30%. Ok. Et là, je vous annonce que personne n'a la bonne réponse, c'est 20%. Ouais. Oui, il y a plein de personnes âgées. Et mais ils datent de quand, tes chiffres? Entre 2015 et 2020, donc c'est pas si vieux. Ah, effectivement, ouais, la population générale vieillit, mais plus de 65 ans, attention, j'ai pas dit 60, hein, ou plus de 50, mais plus de 65 ans, on est à 20%, ce qui est déjà pas mal, et à mon avis, plus qu'en ville. Voilà. Question suivante. Mais moins que les EHPAD. Oui, évidemment. Question suivante. Quelles sont les campagnes qui profitent le plus d'arriver des nouveaux arrivants? Oh non. Est-ce que c'est celles qui ont un château? Est-ce que c'est celles qui sont à côté d'une grosse ville polluée? Ou c'est celles à celles qui ont le champ de GG? Le champ de GG? Le champ de GG. GG, c'est un habitant. Ah, le champ, donc, le champ de blé. Le terrain agricole de GG. Alors, la deuxième pour Audrey, qui sont donc à côté d'une grosse ville polluée. Pour toi, Antoine. Ouais, je crois en GG. D'accord, alors celle qui est le champ de GG. Ok, Jolan, tu dirais quoi? Je dirais la première question. La première réponse, peut-être. La première réponse, pardon. Les châteaux. Ah. Très bien. Et Teddy, tu dirais quoi? J'aurais bien dit les châteaux, mais non, je vais dire... Oh, si, c'est bon, je vais dire la réponse d'Audrey, la 2. La 2. Fait chier, là. C'est t'as raison, Teddy, tu vivras plutôt Audrey que Jolan. Je vais poser ma question, je crois. Et ouais, les villes, ça reprend ta théorie du début, hein. C'est les villes qui sont à côté, enfin les campagnes qui sont à côté d'une ville. Ça devient plus des campagnes. Repeuple. Ouais. Ça en fait moins des campagnes, mais en tous les cas, oui, ça se repeuple. Alors que bon, celles qui ont un château ou celles qui ont des champs de GG n'ont pas tellement. Question suivante. Combien représente la part des agriculteurs comme GG, hein, par rapport à la population française? Est-ce que c'est 1%, 3% ou 8%? Moi, je dirais 8. Toi, c'est 8% pour Jolan. Ok. Combien pour Audrey? 3% pour Audrey. Teddy, tu dirais quoi? Je dirais 1%. Ah, en pourcentage des actifs en France? Oui, ouais. La population française, ouais. 1%, ouais. 1% des Français sont des GG agriculteurs. 1%. Ouais, j'hésite, ouais, entre 1 et 3. Ah bah comme tu veux. C'est... T'as le choix. Vas-y, choisis Antoine. Antoine? Oui, ah, moi je voulais dire 8, mais vu que je l'ai pris 8, donc je vais prendre 3. Putain, quelle est ta réponse définitive, Audrey? Je vais dire... Allez, on j'ai 3. 3. Et bah 3, c'était la bonne réponse. Mais bien. Bravo. Bravo, 3%, ouais. Qu'est-ce qui fait venir le plus les gens à la campagne? Est-ce que c'est le tourisme, les tracteurs ou les oiseaux? Le tourisme, pardon. Le tourisme, les tracteurs ou les oiseaux? Ah, c'est chaud. Teddy. Ah mais ça dépend pas comme tracteur, parce que c'est comme tracteur. Non mais ça va pas être, ça va pas être les tracteurs. Hein. Je vois mal un Parisien dire je vais venir à la campagne pour avoir un tracteur ou pour voir des tracteurs. Clairement. Tracteur en même temps en ville, donc c'est un. C'est sûr que non. C'est une attraction. Encore si c'est un tracteur Lamborghini, oui je comprends pourquoi tu viens, mais. Ah bah ouais, mais les tracteurs Lamborghini, il y en a plus des masses non plus. J'aurais bien dit pour l'air, mais il y a pas l'air, donc je vais dire les oiseaux. Les oiseaux pour Teddy. Moi je pourrais les oiseaux moi aussi. Les oiseaux pour Antoine. Audrey, tu dirais quoi? Ouais, les oiseaux dans le sens prendre l'air. Ah, ou le tourisme. Oh ouais, faire du tourisme vert. Bon, je vais prendre le tourisme, allez. Pour d'accord. Et à qui j'ai pas demandé? Jolan. Jolan, il prend les tracteurs. Pour faire chier les gars, je vais prendre l'air. Eh merde. Tu vas prendre les tracteurs, ok. C'était pas une bonne solution de prendre les tracteurs. Ah putain. C'était le tourisme qui font plus venir les gens à la campagne. Et bah oui, sur évidemment. Des du tourisme, la Loire, tout ça, ils viennent plus pour les châteaux de la Loire pour les oiseaux. Eh ben, je suis surpris, tu vois. Enfin, dernière question. Pourquoi Didier, qui vit à Paris, n'a jamais pu venir s'installer à la campagne alors que pourtant ça aurait permis de repeupler un peu la campagne? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de voiture? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas trouvé de travail? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de jambes? Oh, c'est horrible. Mais en fait, les trois réponses sont possibles. Ouais, mais j'en ai des. Moi, je dirais juste parce que c'est bâtard, parce qu'il n'a pas de jambes. Pourtant, ça serait... Ah, moi, je dirais le travail. Ok, le travail pour Antoine, les jambes pareil, pour Johan. Le travail pour... Ah, mais t'as fumé quoi avant de faire cette question? Je sais pas. Mais... Et Teddy, tu dirais quoi? Je dirais parce qu'il n'a pas de voiture. Et parce qu'il n'a pas de voiture. Et bah... Figure-toi que ça permet d'avoir le seul point pour Jolan, donc je l'aime bien. Ma réponse que j'avais mis était parce qu'il n'a pas de jambes, donc il peut pas venir à la campagne. Voilà. Allez, un petit coup de validisme pour la campagne. Bah comme tu l'as dit, ça fait un petit point pour Jolan, hein. Bah oui. Jolan, t'as bien fait. T'as bien fait. Pas pour l'honneur, quoi, je repars pas à pied. Oui, mais voilà. Figure-toi que Antoine est... Bah il est égal avec toi, il a fait qu'un point lui aussi. Égalité avec un point pour Antoine. Qui était peut-être un point un peu plus mérité, mais un point quand même. Ouais, c'est vrai. Mérité, comment ça? Non, alors. Après, j'ai eu le double de vous en points. Donc j'ai deux points. Et Audrey, elle a. Ça va, tes chevilles, elles gonflent pas trop là? Ouais, ouais, bah attends, c'est j'ai pas fini. Deux points. Audrey, elle a le quatruple de vous. Donc le double de moi, elle a 4 points. Elle nous a laminés. Clairement. Bon. Donc, bon, et en plus, bravo à elle parce qu'elle est fatiguée. Oui, mais quand on sait que Virginie a eu un sans faute vendredi et Audrey à côté, c'est un petit score. Le bâtard. Voilà. Bon, et ben merci beaucoup Antoine de nous avoir rejoints ce soir. C'est déjà la fin de l'émission, mais vous pouvez la retrouver quand vous le voulez en podcast. Nous, on va se dire bonne soirée à tous et on se retrouve vendredi avec une nouvelle émission à la maison spéciale pop culture, ou peut-être qu'on parlera des jeux vidéo, peut-être pas. En tous les cas, d'ici là, profitez bien de la musique d'Indestar avec par exemple le titre qui arrive, on écoute Ixon avec Upbeat sur Indestar, et on se souhaite à tous une bonne nuit les copains. Bonne nuit. On vous fait des bisous. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.